C'est fou 89.1. Pour plus d'informations, visitez cfou.ca. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Rookie. Sébastien F. Gartin nous aidera à comprendre le monde dans son bulletin Gartin. Et on sera pas du monde avec David Perron qui nous parlera d'actualité dans la chronique Zone Campus. Ça, c'est juste moi. Ouais. Assemblage Rookie commence tout de suite. Assemblage Rookie. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis en ce mercredi 11 octobre 2017. On est à 198 jours de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, je m'appelle Tania Baudin. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. C'est fou, en Mauricie. 89,1 FM. Exactement. Du coup, le seul unique studio. <C'est ça>. bonjour Tania. Bon matin, bon matin. Tu vas bien? Ça va très bien. Oui. Oui. On a une émission chargée, mais moins que prévu. Exactement. Parce qu'on devait avoir comme 6 chroniqueurs en même temps, mais on a eu 2 annulations, donc tout va bien. On va rentrer dans nos temps aujourd'hui. On va espérer, on va quand même toucher du bois. On remet Alicia Lemieux à lundi prochain et on remet Alex Marchand à la semaine prochaine. Par contre, on va avoir David Ferron à 8h30 pour sa chronique du Journal Zone Campus. On va faire le tour de l'actualité du campus, ce qui se passe autour de nous, ce qui est en préparation pour le prochain numéro du journal pour le mois de novembre. Ensuite, à 9h, Gabriel Béhoud va être là pour parler d'improvisation dans les coulisses de la lutte. On va avoir du fun avec lui. Ta chronique s'en vient, Tania's Gonna Entertain Ya. What's up? Je vais vous parler de nourriture ce matin et de voyage. Oh. Vous allez voir, tout ça combiné. Oh! Et avec effet sonore en plus. Exactement. Génial. Donc ça, ce sera plus tard dans l'émission, mais on débute avec Sébastien F. Gartin. Salut Sébastien! Bonsoir. Bonsoir, bonsoir mesdames bonsoir. Et messieurs. Tu t'es pas couché encore, c'est ça? Non, exactement. Ah, c'était, ouais. Fait encore noir. Il est arrivé en forme, mais il est arrivé en courant quasiment, puis genre, tu sais, avec bonheur, en trépidant presque. J'étais juste stressé parce que je pensais que j'étais en retard. Ah. Je voulais dire, c'est le froid qui t'a fait faire gambader comme ça? Aussi. Gambader. C'est des Gabonais. Je pense que c'est au Gabon, ça. Gambader. Mon chauffeur d'autobus ce matin est arrêté à un coin. Il y a un passager qui est sorti. Puis ils se sont mis à jaser ça, toi. Hey, on a une job à faire, là! Quelle perte de temps. On les salue, par contre. Faut leur dire le matin, hein. Ils semblent pas tout le temps. Non, juste arrivé 9 minutes en retard, mon chauffeur. C'est ça, exactement. Hey, t'es déjà en retard, champion. Champion. Ah ouais, peut-être que si t'as arrêté de parler contre eux autres en ondes, ça. C'est peut-être ça. Peut-être que s'ils écoutaient autre chose que Rouge FM en ondes. Non, c'est pas vrai, on les salue, on les aime. Pour vrai, moi, je les aime. Les chauffeurs en tant que tel, je les aime. Mais je sais pas, je les côtoie pas. La compagnie, un peu moins. Ouais. Les chauffeurs, oui, beaucoup d'amour. Okay? D'accord. Parce qu'ils sont vraiment sympathiques. Bref. Je me suis rattrapé un petit peu, quand même. Ouais, t'as bien fait ça. Sébastien Gartin, le voici avec sa chronique hebdomadaire, le bulletin Gartin. Sébastien Gartin qui nous regarde avec un regard perçant ce matin. Je sais pas ce qu'il y a de menaçant là-dedans. Ce qu'il y a de menaçant là-dedans, c'est que c'était pour être une chronique organisée et finalement, mon Dropbox n'a pas... fonctionné. N'a pas fonctionné, ce qui fait que je n'ai pas mes notes avec moi. Donc, ça va être une chronique avec pas de casque. On peut prendre ça en notes chaque semaine, se faire une petite colonne de ce qui est avec casque et avec pas de casque. Faire un bilan en fin d'année. Ta moyenne est... J'essaierai à remercier Tim Cook d'avoir fucké mon iPad ce matin. Oh, il parle contre Apple en ondes. Exactement. Il va se faire resserrer ses privilèges d'Apple. Ouais, en tout cas. Ça, c'est un autre sujet. Oui. Je ferais peut-être une chronique technologie un jour. On est ouvert à tout, Bulletin Gartin, ça veut rien dire comme titre, hein, ça. Bulletin Gartin, ça veut rien dire. Ouais, c'est toi qui l'avais trouvé. Ouais, c'est génial comme nom. Hein. Donc, sujet de cette semaine. Sujet de cette semaine, de prime abord, j'aimerais dire, exécutant de l'OGE QTR, et ça vous regarde. Okay. Oh, avec un le, S? Oui, okay. Le sujet, c'est conflit d'intérêts cette semaine. Oh, OK. Là, je dis pas ça parce que, honnêtement, j'ai même aucune idée cette année, c'est qui est sur l'exécutif de l'OGE. Je dis juste généralement, c'est le genre d'information que, quand t'exécutais, c'est le fun que t'as. Ben, il se passe pas mal de choses à l'AGE. Là. Il y a eu l'Assemblée générale il y a quelques semaines, genre, où il y a eu une menace de destitution. Exactement. Ouais. Ça a pas passé, mais à comme un poil. C'est ça. Ouais, ouais, à un poil et à un, surtout à un vote qui était louche. Cinq votes. Le total, il y a cinq votes de trop. Qui ont été remis en question, versus c'est ça. Le nombre de gens qu'il y avait dans la salle. Ouais, puis ils se sont dit que ça allait... c'était mieux de rester avec le nombre de... Excusez-la. C'était mieux de rester avec le nombre de garder ce vote-là, même s'il était louche, étant donné que les cinq votes ne changeaient pas le... Ouais, au moins. Ne changeaient pas le résultat. C'était quand même le nombre qui a gagné. Ouais. Mais sur la proposition de destitution, en fait, la proposition de... Ouais, c'était une proposition de non-confiance. Ouais, de non-confiance, c'est ça. C'est une destitution précise. À la Ludovic Nadeau, il y a quelques années. Même. Ouais, c'est ça. C'était pas mal ça. On s'en rappelle. C'était une question de transparence. Transparence qui sera une autre chronique au courant de la session. D'accord. C'est ça. Bref, conflit d'intérêts. J'étais pas en train de dire qu'il y avait des exécutants en situation de conflit d'intérêts. Honnêtement, s'il y en avait, je le saurais pas, parce que honnêtement, je pourrais pas vous en nommer un. Ouais. De cette année, c'est ça que ça fait de... Hein, t'es plus dans le coin étudiant. Ça, ben oui. C'est ça. Fait que c'est ça. Donc, c'est ça, conflit d'intérêts. Pourquoi je parlais de ça? Ben, c'est qu'en fait, ça a tourné dans l'actualité un peu dernièrement. Certaines fois, comme un exemple que je vais donner, c'est carrément ce qu'on en dit, c'est un conflit d'intérêts. Mais d'autres problèmes que j'ai vu passer, d'autres petites choses, détails, que tu dis, ouais, mais en quelque part, ça en est un aussi. Bref, au Québec, on a une belle histoire de ça. Un exemple magnifique qu'on a eu au Québec dernièrement, ça fait déjà quelques années, l'année magnifique 2015, où Monsieur Pierre-Carl Péladeau est devenu le chef du Parti québécois. On a quelques souvenirs de ça. Hein. On a quelques souvenirs, effectivement. Ouais. C'était magnifique. Il a été chef du PQ pendant environ un an. D'ailleurs, j'avais une blague sur le fait que c'était le nouveau Messie du PQ à l'époque. On disait finalement quelqu'un de riche et de connu qui est chef. C'est ça, parce que après les années Marois, qui était malheureusement Madame Marois n'avait pas nécessairement, je sais pas comment dire. Le c'était facile de pas l'aimer, mettons. Ah oui? On dit ça de même. Mettons qu'elle avait pas le statut de PKP. C'est ça. Tu sais, c'était une politicienne de carrière, t'es assez connue. L'establishment. Bon, c'était la première femme chef d'un parti politique majeur au Québec, mais tu sais, c'est ça. Tu sais, un peu ce qu'on aimait moins de Hillary Clinton, sans l'avantage de, ben, elle se présente contre Trump, mettons. Elle n'avait pas grand-chose. Elle pouvait pas perdre. Personnellement. Hein? Elle pouvait pas perdre. Donc... c'est ça. Ce qui. Donc, suite à ça, c'est ça, Pierre-Carl Péladeau. Or, déjà, puis même en fait, ça avait commencé avant, dans le temps qu'il était simple député, ce qui n'a pas été très longtemps d'ailleurs. C'est que Pierre-Carl Péladeau, dans le fond, on le sait, on le connaît bien, c'est un businessman assez connu, c'est le chef de. C'est le propriétaire, en fait, de Québécois, plus grosse compagnie de médias au Québec. Donc! Je vous l'apprends à TVA, là, c'est à eux autres que ça appartient. Petit magazine! Ouais, le Journal de Montréal aussi. Ah, wow. C'est à eux, ça! C'est à eux! C'est quelque chose. Hein. Donc, c'est ce qu'on appelle généralement un magnat. Un magnat de l'information. Il s'est fait accuser d'ailleurs d'être un Berlusconi québécois. Berlusconi étant un ancien président italien. Il couchait pas avec des filles de 13 ans, lui? Aussi, mais c'était pas pour ça qu'on l'appelait Berlusconi. Okay. C'est que Berlusconi, en fait, pendant qu'il était président de l'Italie, il possédait de quoi comme 90% des médias italiens. Ah ouais. Berlusconard! Fait du moment qu'il faisait quelque chose, ben dans les médias, c'était le président Berlusconi combat les infidèles et ce que vous voulez. Ben on avait peur qu'avec raison, c'était quand même valable comme on avait peur que Pierre-Carl Péladeau soit en situation de conflit d'intérêts. Généralement, c'est pas la première fois qu'un homme d'affaires connu devient chef d'un parti politique et ou carrément premier ministre. Par contre, généralement, quand un homme d'affaires devient chef d'entreprise, c'est que... devient chef de parti politique, c'est qu'il faut qu'il dépose tous ses avoirs dans une fiducie sans droit de regard. Qu'est-ce que c'est? OK, c'est comme arriver à l'aéroport et mettre toutes tes affaires dans le petit casier pour passer dans le détecteur de métal. Ouais. C'est pas faux. C'est qu'en gros l'idée c'est que bon une fiducie c'est que dans le fond on prend tous ses avoirs, on les met dans une espèce de compagnie à numéros qui les gère. Mm-hmm. Il y a des administrateurs de ça. Mais lui il a pas le droit de regarder. Mais lui il a pas le droit de parler aux administrateurs. C'est ce qu'on appelle un blind trust en anglais, donc à l'aveugle, ouais, confiance à l'aveugle. Exactement, c'est ça. Lui fait juste recevoir un salaire de ça. Ouais. C'est tout. C'est un peu. En fait, ce qui ressemble le plus c'est quand mettons vous avez un fonds de pension avec votre employeur. Là, j'ai l'impression de mettons parler de quelque chose d'une autre époque. C'est complètement fictif pour nous, bon, mais invente quelque chose. C'est okay. Ça, vous faites des placements, mettons. Oui. Ben, vous faites des placements, vous pouvez faire des placements, acheter des actions directes, mais généralement, quand vous avez un budget de non-millionnaire, vous n'avez pas vraiment les moyens de faire ça. En effet. À la place, c'est que vous faites affaire avec un conseiller financier, un truc comme ça. Un courtier qui va, mettons, vous acheter des parts dans des groupes d'actions. Mm-hmm. C'est-à-dire, bon, des groupes ensemble, comme le Fonds de solidarité de la FTQ, ça en est un. Mm-hmm. Il y a le nom m'échappe, parce qu'entre autres, j'ai pas mes notes, Simonac. Mais il y en a plein comme ça, là. Il y en a vraiment plein. Le fonds de pension des employés de la province, ça en est un autre aussi, puis ainsi de suite. Bon, c'est ça. C'est un peu le même principe. C'est que tu contrôles pas. C'est juste qu'on dit, bon, OK, fait qu'on va te ramener du profit. Tu sauras juste pas comment c'est fait. Un peu c'est comme ça, tu sais pas dog. Où on va le faire. C'est ça. C'est ça, dog. Tu sais ce que tu reçois. C'est des saucisses hot dog. Tu sais pas comment ils ont été faites. Ça ressemble à ça. Dans les deux cas, comme dans le cas surtout d'une fiducie avec droit de regard, dans le cas de quelqu'un qui fait du saut en politique, mm-hmm. Ben, on veut pas le savoir. Ouais, c'est ça. Dans les deux cas et dans les deux P pour Pierre Carpelado. C'est ça. Dans les cas et dans les deux P, ouais. Ouais, c'est mauvais. C'est vraiment... Ouais. Donc, c'est ça. Ce qui. Bon, l'idée de ça, c'est justement d'éviter des conflits d'intérêts. Qu'est-ce qui serait un conflit d'intérêts dans ce cas-là? Ben, mettons que M. Copé est dans un. Doit se porter, prendre position pour le PQ par rapport à une nouvelle loi par rapport à la câble distribution Québec. OK, mettons. Parce que Québécois, je disais Journal de Montréal et Média, mais il y a aussi Vidéotron qui leur appartient. Oui. Ben, on s'entend que si il sait que lui, tu sais, il y a une partie de sa fortune qui dépend d'une compagnie de câble distribution, puis que là, ça vient des lois un peu rough, là, proposées par le parti opposé. Il va être porté à voter contre, pas parce que c'est mieux pour le Québec, mais parce que c'est mieux pour lui. Ouais, mm-hmm. En disant, c'est pas un câble distributeur. Puis, il pourrait mettons, dire... Mettons, on vise pas personne que non. Son logo est rouge et blanc. Là. Ouais. Non, c'est ça. Mais tu sais, bon... Donc, ce qui arrive, c'est que là, c'est à ce moment-là, y a-t-il un conflit d'intérêt ou non? On le sait pas, parce qu'un conflit d'intérêt, ben, c'est de dire que, ouais, il a pris une décision qui était pas la meilleure pour le poste. Mm-hmm. Dans le fond, le poste qu'il y a au gouvernement, au gouvernement rentre en conflit avec ses intérêts à lui personnel, donc conflit d'intérêt. Par contre, on peut dire aussi, oui, mais... Pis ça, les défenseurs du Messi Pelado étaient bien forts là-dessus de dire non, mais c'est un homme intègre, il va pas faire ça, tu sais. L'affaire, c'est qu'il y a conflit d'intérêts. Ça, c'est quand il y a une situation réelle et problématique démontrée, mais il y a aussi ce qu'on appelle les apparences de conflit d'intérêts. Ouais. Parce qu'à un moment donné, déceler un vrai conflit d'intérêts, ça finit par être un petit peu du tribunal de conflits de voyons, des de commission puis tout ça. Ben non, en fait c'est tribunal de conscience, mettons. Mm-hmm. C'est quasiment un crime de pensée à un moment donné. Tu peux pas être dans la tête de la personne. Non, pour c'est savoir ça. Tu sais pas si son raisonnement est influencé, puis à la limite même la personne peut se considérer intègre, peut se dire non, je le fais dans l'intérêt de tout le monde, mais qu'à quelque part il y a un petit blocage pareil, un peu inconscient, mettons. Fait que c'est pour ça que ce qu'on va toujours traiter, c'est pas les conflits d'intérêts eux-mêmes, parce qu'ils sont extrêmement difficiles à prouver. Mm-hmm. C'est les apparences de conflits d'intérêts. C'est-à-dire, y aurait-tu place à ce qu'il y ait un conflit d'intérêts là? Mm-hmm. La réponse, c'est oui. Ben, on agit comme s'il y avait un conflit d'intérêts. Ouais. Donc, ce qui était arrivé dans ce temps-là, ce qui avait fait polémique, c'est que Pierre-Carl Pelado, quand il est devenu chef du Parti québécois, puis en fait, comme je dis encore, c'était même avant quand il est devenu député, il avait déposé ses avoirs dans une fiducie. C'était une fiducie qu'on n'a pas nommée sans droit de regard, simplement parce que ceux qui le géraient, ben, c'était entre autres sa conjointe de l'époque. Ça sonne Trump c'est un peu. Ça, hein? Ouais, c'est ça, c'est louche un peu. D'ailleurs, Donald Trump, exactement la même situation ben, actuellement. C'est, ça. C'est la même affaire, c'est sa fille qui gère ses avoirs présentement. On va tout seul dire qu'à un moment donné, il se parle, tu sais. Ben, Ils arrêtent pas de dire qu'ils sont super proches l'un l'autre. Mais ils sont tout le temps ensemble. Mais ils parlent pas de ça. Puis c'est qu'une des choses qui arrive, c'est que, ben, comme dans le cas de Pierre-Carl Pelado, puis Trump un peu disant la même chose, c'est que, en théorie, si c'est une vraie fiducie avec droit de regard, si on demande à M. Pelado, ou dans le cas de M. Trump, mettons qu'on vend votre compagnie qui vous a fait connaître, mettons dans le cas de Pierre-Carl Pelado, mettons que finalement l'administrateur considère que c'est plus avantageux de vendre Québécois. On vend ça à Bell Media, mettons. Ouais, mettons. Ouais. Ben, ou de vendre, mettons, Vidéotron. Ben, Pierre-Carl Pelado, lui, ce qu'il a dit, c'est qu'il a dit non, non, Québécois, c'est mon père qui a fondé ça, il n'y a pas d'affaire à vendre ça. C'est tout, une consigne qu'il y a. Ouais, OK. Fait que c'est plus une fiducie sans droit de regard, non. Pantoute. Si tu sais que ça sera pas vendu. Exact. Bon. C'est pourtant vraiment logique. Oui, oui, c'est tout ça. À fait. Donc, on a parlé de Trump rapidement. Trump, c'est un peu la... En fait, c'est presque la même situation. C'est l'exemple de tout ce qui est... pas corruption, mais croche. Ben, qui est de tourner les coins excessivement ronds tellement que c'est plus des coins. Mm-hmm. Puis c'est qu'en fait, ce qui est drôle, c'est que l'idée m'est venue, en fait, pour cette chronique-là, pas nécessairement à cause de Trump, parce que, bon, lui, à cette heure, on s'entend-tu? Ouais, on est habitué. Aucune surprise. On dirait que dans le... Ça fait quoi, 8 mois, là, qu'il est au... Ça a l'air de 3 ans. Ça a l'air de 8 ans. C'est effrayant. Mais ça, on a rien que parlé de ça depuis 8 mois. En fait, depuis plus qu'un an. Les médias de fake news, hein. C'est ça, hein. C'est exact. On est tous du fake news, nous autres, avec. C'est probablement ce qu'il dirait s'il nous écoutait. Ce dont je doute un peu, premièrement, je suis à peu près sûr qu'il parle pas français. Si le chauffeur de l'autobus ne nous écoute pas. Hein? C'est ça. Hein? C'est sûrement pas Trump. En fait, c'était pour parler de Scott, notamment. Scott Pruitt. Oui. Pruitt. Le même nom qu'un bâton de colle. Hein? Ouais, Pruitt. Qui est ce monsieur Pruitt? Honnêtement, j'ai aucune idée comment prononcer son nom. Pruitt. Scott Pruitt. Ouais, je pense que c'est Pruitt. Pruitt, j'imagine. Bref, j'aime mieux l'appeler Pruitt. Ouais. Je trouve ça plus drôle. Pruitt moucheté. Qui est M. Pruitt? C'est présentement au gouvernement fédéral américain pas mal l'équivalent du ministre de l'Environnement. Techniquement, c'est le directeur de l'EPA qui est Environmental Protection Agency. Ouais. Agency. Ouais, Environment Protection Agency. C'est vraiment l'équivalent du ministère de l'Environnement. Aux États-Unis, pour le fédéral, évidemment. Il a été nommé par Donald Trump. Pourquoi est-ce qu'on parle de conflit d'intérêts? Je vais vous donner un peu un mapping de la situation. Avec ce qu'on a appris avec, mettons, mon histoire de Pelado, qui était vraiment plus un cas pédagogique. À ce temps, on va mettre en application trouver le conflit d'intérêts. Monsieur Pruitt a été, précédemment, sa carrière, ça ressemblait, en fait, à l'origine, c'était un avocat. Qui, éventuellement, est devenu procureur général de l'État de l'Oklahoma. Mm-hmm. Déjà, là, une chose importante à savoir, l'État de l'Oklahoma, la moitié du PIB de l'État de l'Oklahoma, c'est les produits pétroliers. Mm-hmm. Déjà en partant. On se doute que ça s'en va. Ouais. Si vous l'avez déjà vu venir, ben vous avez 40 points, félicitations. Hey. 3 morceaux de robot. Talia a failli avoir la mouche en studio. Elle a failli l'avoir, mais il y a une mouche. Parlant d'environnement, il y a une mouche qui se promène dans le studio. Elle fait 5 dehors. Qu'est-ce que tu fais? Justement. Justement. C'est ça. Mais ouais, c'est ça. Donc, monsieur, sous son règne au grand procurariat de l'État de l'Oklahoma, c'est probablement pas tout ça le mot, mais en tout cas, c'est pas grave. De l'État de l'Oklahoma, monsieur Pruitt s'est fait connaître comme étant... s'est fait remarquer comme un grand défenseur des intérêts du pétrolier. Entre autres, les procureurs généraux, pareil comme les juges aux États-Unis, sont élus. Ce qui fait qu'ils ont des élections où il y a des pourcentages de votes assez ridicules. Ouais. Il a été élu, donc il a fait une campagne et sa campagne a été financée par des lobbyistes de l'industrie du pétrole. Surprise! Donc, c'était déjà pas surprenant. Et quand il était procureur, le poste de procureur général d'un État, c'est de faire respecter la loi. Mmh. C'est lui qui, au nom de l'État, poursuit les gens qui font des trucs illégaux. Tu sais, des crimes, on pourrait dire, pas des crimes sans victime, mais des crimes sans victime précises, que c'est pas une personne en particulier. Ouais, des crimes financiers, des trucs comme ça. Des trucs comme ça, mais aussi des cas comme une grande compagnie qui ne respecte pas la loi, mais tu sais, une grosse compagnie sur dans une marge tellement vaste que c'est pas quelqu'un qui va les c'est pas une personne ou un petit groupe de personnes qui vont les dénoncer. C'est qu'il y a un recours collectif, quelque chose. Ouais, c'est ça. Puis même là, je veux dire, quelqu'un qui pollue l'environnement, s'entend-tu que le recours collectif, c'est tout le monde qui pourra embarquer dedans? Ouais, donc, dans ces cas-là, ben, c'est là que le procureur embarque. Procureur général, c'est celui qu'on appelle State Attorney General en anglais. C'est ça. Exactement. Bon. Ce qui. Ou State Prosecutor. OK. Ce qui s'est passé avec, dans le cas de Scott Pruitt, son règne a été connu pour, en fait, il a poursuivi l'EPA. Ouais, OK. Celui où il est présentement. L'organisme qui dirige présentement. Il l'a poursuivi 14 fois. Wow! Pour quelle raison? C'est que les lois environnementales que l'EPA passait sous le règne Obama, d'ailleurs, c'est connu comme étant un des ennemis jurés d'Obama. Mm-hmm. Ouais. C'est que, bon, Obama, on le sait, c'était un président qui était assez progressif, entre autres, sur les questions environnementales. Tu sais, il a signé l'accord de Paris pour les États-Unis. Bon, il y a eu beaucoup de lois sous la présidence Obama. Il y a eu beaucoup de lois environnementales qui ont été passées aux États-Unis, entre autres une loi contre l'utilisation du charbon puis contre l'exploitation du charbon. Donc, quand l'EPA passait ces lois-là, le General Prosecutor Pruitt poursuivait l'EPA comme quoi c'était le mot en anglais, c'est un overreach, là, c'est-à-dire que c'est trop loin. Selon lui, toutes ces poursuites qu'il a faites, c'est que le fédéral, dans le fond, l'EPA, qui était dans ce cas-là, l'EPA, rentrait dans les pouvoirs au-delà de leur mandat, empiétait sur les pouvoirs des États. Systématiquement, quand l'EPA sortait une nouvelle loi, en fait, c'est ça qui est arrivé. Donc, 14 fois en à peu près 6-7 ans là, qui a été, là encore, j'aurais eu les dates exactes, mais mon iPad a fucké un matin. Ouais, hein? Donc, c'est ça. Là, ce monsieur-là, le règne d'Obama termine, Trump est élu. On est tout un peu mort en dedans. Et là, Trump doit nommer ses équivalents de ministres. Souvent, c'est des hauts secrétaires et des présidents d'agences comme ça. C'est mignon. C'est mignon. C'est un peu ça, hein? Et nomme Scott Pruitt, qui est généralement, il est présenté comme un climato-sceptique notoire. Un trou de Pruitt, comme on appelle. On pourrait dire, ouais. Oui. Donc, c'est ça. Si vous n'avez pas toujours décelé le conflit d'intérêts qu'on a ici, vous êtes un peu lent. On va se le dire. Donc ça, c'est un gros exemple de l'actualité dernièrement. Puis finalement, j'en avais un troisième que je vais un conflit d'intérêts que je vais discuter en 5-6 minutes. Ah, ok. D'accord. Il me reste un peu de temps. Ben, oui. Hein? Plein d'annulations aujourd'hui, on sait. C'est ça. fait que c'est ça. Là j'étais allé un peu au Trumpistan, dans la zone, un petit peu pour se dire c'est bien mieux que chez nous. C'est bien mieux chez nous. Mais dans ce pays d'apocalypse. C'est ça. Ooh. Mais ceci étant dit, c'est un peu une ouverture en même temps parce que c'est une réflexion à laquelle je vais en venir. À quel niveau on peut parler? Parce que là, il y a un conflit d'intérêt, tu sais. Il y a une situation de conflit d'intérêt, c'est clair. Il y a de l'argent qui a changé de main, puis bon. Un cas au Québec qui m'intéresse. Puis là, je vais donner du crédit à Paul Journet dans la presse, dans son éditorial d'hier, en fait. Lui, sérieusement, pour être journaliste, là, Paul Journaliste, là. Il est pas pire, hein? Paul Journaliste. Ouais. Effectivement. C'est vraiment un beau jeu de mots. Je comprends pas comment j'ai fait pour pas y penser. Je comprends pas non plus, en fait. Ouais. Ça me prenait un Mathieu Plante. Merci. Mathieu jeu de mots Plante. C'est pour ça, ouais. Oh! Ça faisait longtemps qu'on m'avait pas appelé comme ça. Ouais, c'est vrai, hein? Là, c'est moi qui t'appelle la main. Ouais, je sais. Ça faisait longtemps que j'étais pas là. c'est ça. Dans l'éditorial de Paul Journet hier, hier, on était le 10 octobre. Oui. Dans la presse. Je donne mes sources des fois. On aime ça en bas de page, en bas de l'écran. C'est ça. C'est surtout pour que Tania fasse la recherche en même temps. Exactement. Subtil. Donc, c'est ça. Paul Journet parlait, en fait, de l'éventuel remaniement ministériel qui est en voie à Québec. Parlait un peu de lui, ce qu'il voit comme les problèmes du cabinet actuel des ministres. Puis, un truc sur lequel j'ai accroché pas mal, en fait, puis c'était un truc qui me trottait dans la tête depuis longtemps, c'est le cas du ministre Gaétan Barrette, en fait, ministre de la Santé, qui est un médecin. Puis Paul Journet, je vais donner le punch un peu quand le bout, puis il parle de plusieurs ministres, en fait. Puis pas nécessairement, Monsieur Journet est un personnage assez rigoureux en général. C'est pas du bâchage, là, comme nous autres on fait, mettons. Nous pas là-dedans. Une des choses qu'il disait. Mais c'est ça que je voulais dire. Avec, c'est bien ça. Pris toujours quand on parlait de Trump tantôt. Bon. Mais c'est ça. Puis une des choses qu'il disait, c'est qu'il disait il est peut-être temps que le ministre Barrette soit ministre d'autre chose que de la santé. Ah oui. Il serait peut-être temps qu'on revienne à la bonne vieille formule de le ministre de la Santé n'est pas un médecin. Ah, OK. Bon, pourquoi? Petit historique rapide. En 2003, un certain Philippe Couillard, qui va peut-être rappeler quelque chose à quelqu'un d'autre, sinon Simonac, informez-vous, c'est le premier ministre actuel, était le nouveau ministre de la Santé du gouvernement Charest. Mm-hmm. Dans le temps, c'était bien spécial parce que c'était la première fois depuis probablement très longtemps. J'ai pas remonté assez loin, puis de toute façon, j'ai pas mes notes parce que mon iPad a fucké. Oui, oui, oui. Blâme Apple, comme toujours. Exprès, effectivement. Il faut dire que mon iPad de 6 ans. Là, oui, c'est oui, ouais, c'est ça. Mais en tout cas. Ça fait changement de blâmer Apple versus Google d'habitude, comme je fais habituellement. Tout à fait. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est pour ça, hein, des fois, c'est, à un moment donné, il n'y a pas de bonne réponse. Non, vraiment pas. On entend toutes les. J'ai même essayé Microsoft. Et boy, ça a planté deux fois. Et... en une seule journée. Oui. Puis tu vois, c'est, moi, je suis revenu dans du Microsoft. Puis je trouve que ça va bien. À ce temps, oui, ça va bien mieux que l'ancien Apple que j'avais, qui avait 8 ans d'ailleurs quand je m'en suis débarrassé. Oh well. Bon, bref, ça pour dire. C'était non, absolument non pertinent pour ce que je disais. Philippe Couillard. Oui, j'étais 2003. Là. J'étais là. C'est plus dur de garder le fil quand j'ai pas mes notes. Donc. Je te ramène. Merci. Une chance, c'était là, Tania. Non, il n'y avait pas de jeu de mots là-dedans. Ouais, il y en avait comme un, mais non, c'est, je l'ai échappé. Il y a iCloud sur Internet. Tu pourras ouvrir ton iCloud sur l'ordi de Tania si tu veux la prochaine fois. Ouais. Non, mais c'est parce que moi, c'est sur Dropbox que je mets ça. Ben, c'est l'application Dropbox qui a. Ben, ou Dropbox sur l'ordi. Ouais, mais c'est ça le problème, ouais. C'est que mon iPad m'a dit qu'il est synchronisé, mais il n'y a pas synchronisé pour vrai. Ah, oh boy. Ouais. Bref. Philippe Couillard, 2003. Jean Charest. Nouveau ministre de l'Éducation. de l'Éducation, oui. Nouveau ministre de la Santé. C'est que normalement, traditionnellement au Québec, les ministres de la Santé, mm-hmm. c'était des anciens. Tu sais, mettons, le sweet spot, un bon ministre de la Santé, c'était un ancien administrateur d'hôpital. Okay. Oui. Parce que. Le ministère de la Santé ne s'occupe pas de soins. Mm-hmm. Le ministère de la Santé, c'est de la gestion. Mm-hmm. C'est de la gestion de comment on finance les soins. Ce qui fait que généralement, c'était des administrateurs qui avaient ces postes-là. Puis là, c'était bien original, on amène un médecin à la place. Médecin qui, Philippe Couillard, a toujours été un médecin très, très entrepreneur dans sa manière de concevoir la médecine. C'était très avoué. D'ailleurs, une de ses grosses réformes, ça a été de tranquillement, pas vite, ouvrir la privatisation de la santé. C'est-à-dire que c'est sous le règne Charest, mais dans le temps que c'était... Son ministère à lui, que Philippe Couillard a ouvert beaucoup la porte aux cliniques privées. Mm-hmm. Parce qu'il fut un temps où c'était complètement illégal, en fait, mm-hmm. une clinique privée. Ouais, c'est vrai. C'était juste illégal. Tu pouvais pas en avoir une. Là, de plus en plus, c'est le cas. Puis de plus en plus, les médecins sont plus considérés comme des professionnels à l'emploi du Québec, ce qui est déjà tant qu'à moi une aberration, mais encore de plus en plus des entrepreneurs. Ah oui. Des petites entreprises à l'intérieur du système de santé québécois. De la façon, bon, les médecins, c'est les seuls professionnels qui ont le droit de s'incorporer individuellement. Ouais, s'incorporer. Ce qui leur fait économiser beaucoup en impôts, et c'est d'autant d'impôts qu'on perd au Québec. Mm-hmm. Puis on s'entend, le salaire moyen des médecins me fait mal au cœur à toutes les fois que je le vois passer. Mm-hmm. On n'est pas dans le 100 000, 150 000, on est dans le 300 000, 400 000. Ah ouais. En plus de ça, ben justement, ils sont imposés non pas comme des particuliers, mais comme des entreprises. Ce qui fait qu'il se paye encore moins d'impôts que quelqu'un normalement qui fait ce revenu-là. Ça, ben, c'est des réformes amenées par des ministres médecins. Donc, si vous ne voyez pas encore le conflit d'intérêts, vous êtes un peu lent. Je vais en rajouter une couche. Attendez, ça sent bien. Je vais en rajouter une couche. Gaétan Barrette est ministre de la Santé depuis. Simonac, j'ai pas mes quelques notes. Années maintenant. Une couple d'années, ouais. Depuis le dernier gouvernement, 2015. 2015? Non, attends, en élection 2018. 2014. Avant ça, il y a eu un petit interlude où il était un genre de candidat vedette de la CAQ. Oui. Et préalablement à cela, Gaétan Barrette était très connu, en fait, comme étant le président de l'Ordre des médecins du Québec. Mm-hmm. Président de l'Ordre des médecins du Québec... En quoi il s'est fait connaître? Ben, c'était le négociateur principal pour les clauses salariales des médecins. Et il a réussi à se négocier des augmentations de salaire historiques. Ouais, c'est ça, exactement. Pour les médecins. Ainsi qu'un paquet d'autres conditions de travail. Puis tout ça s'est fait, en quelque part, au détriment des autres professionnels de la santé. Mm-hmm. Parce que, ben, tu sais, t'as une enveloppe budgétaire pour le ministère de la Santé. Ben, plus t'en donnes aux médecins, moins t'en as à donner aux infirmières. Puis moins t'en as à donner... Exact. C'est ça. Donc, des fois, je dis à la blague, ben, si on pouvait... il faudrait quelqu'un qui fasse la recherche à un moment donné, une belle étude économique sur combien exactement est-ce que Gaétan Barrette a coûté au Québec dans l'histoire du Québec. Daniel, mets-toi là-dessus. C'est à coup de milliards, probablement. À coup de milliards. J'ai posé la question directement à Google. Oui, on va se donner. Dans le temps qu'il était président de l'Ordre des médecins spécialistes, il y avait un salaire pour ça. Et en plus, son salaire de médecin, parce qu'il continue de travailler, lui, il est radiologiste à base. Les deux en même temps. Il travaillait comme radiologiste. Son salaire de radiologiste, c'était sorti à un moment donné, il était au-dessus de 600 000 par année. Puis, il y avait le poste de président quand même de l'Ordre. Ce qui est payé moins cher. Il passait cher son temps à TV dans ce temps-là. Est-ce que tu penses que c'est payé moins cher? C'était moins cher que ça, probablement. Wow. Mais dites-vous que 600 000 à travailler sur une job quasiment à temps partiel. Ouais. Quelque chose, là. Mm-hmm. Puis ça, c'est une des affaires qui avait été dit dans le temps, c'est que les radiologistes, ben tu sais, les médecins, on le sait au Québec, sont payés à l'acte. Mm-hmm. C'est-à-dire, tu factures exact. À l'acte. Tu poses un plaster, ça vaut tant. Tu lis une radio, ça vaut tant. Et ce qui arrive, c'est que, bon, ben une des affaires qui avait été décriée de l'époque où M. Barrette était président de l'Ordre, c'est que beaucoup de... Si on regarde comment est-ce que les actes reliés à la radiologie étaient coûteux, dans le fond, bien, il y avait des choses pas logiques. La grille datait de l'époque où les radiologies se faisaient encore de manière analogique, c'est-à-dire que c'était vraiment un film, tu sais, un négatif qu'il fallait développer, puis ainsi de suite. Alors que maintenant, en fait, depuis longtemps, c'est tout informatisé. Mais développer les radios, ben c'était un acte. Fait que c'est un acte qui sont encore rémunérés pour. Ben je sais pas si c'est exactement là, parce que la grille, je l'ai même pas. Là, ce coup-là, je le mettrai pas sans faute de mon iPad. C'était je l'ai même pas cherché dans le document, c'est ça. C'est ça. Mais je sais que pendant longtemps, ça a été une cause de s'il vous plaît, arrêtez. Ça, c'est du double dip rendu là. Ouais, c'est ça. double dip, tremper ta chip deux fois. Fait que tu chargeais le fait de développer des radios alors que c'était juste d'ouvrir un fichier, un JPEG sur un écran d'ordi. Mm. C'est ça. Fait que quelque chose comme ça. Donc, si vous ne trouvez pas encore le conflit d'intérêt, ben rendu là, il n'y a plus grand espoir. Ouais, je vais arrêter de vous insulter. Mais, en tout cas, vous ouais, savez c'est ça, que exactement. Vous êtes là. Puis là encore, l'idée, ben c'est pas de dire... que Gaétan Barrette, la personne est malhonnête, c'est de dire, ben, tu sais, il est dans une position où ce qu'il est capable, on lui a permis collectivement de penser à ses propres intérêts avant de penser aux intérêts de son poste. Puis c'est peut-être un des avantages dans le temps que c'était des administrateurs d'hôpitaux, c'est que ben, il n'y avait pas grand intérêt. C'était plus dur pour eux autres de faire pencher la balance de leur intérêt. Puis c'est que souvent, ben, c'est que tu devenais ministre quand tu avais été administrateur pendant longtemps. Déjà là, c'était un poste senior, donc tu étais déjà relativement âgé quand tu deviens ministre. Fait que généralement, ils prenaient leur retraite après la politique. Tandis que Gaétan Barrette, ben, on s'attend à ce que si, mettons, le gouvernement est défait aux prochaines élections, on verra, là. Ouais, c'est ça, ça reste mais à mettons, voir. Ben, il y a des bonnes chances qu'il va retourner. Tu sais, Gaétan Barrette n'est pas si vieux que ça. Il y a des bonnes chances qu'il retourne pratiquer après sa vie politique, là, quand il va être tanné, là. Encore, ça impacte un peu son. D'ailleurs, si je me rappelle bien, je sais que Philippe Couillard, pendant longtemps, il a continué de pratiquer en même temps qu'il était à l'opposition officielle. Non, il n'était pas à l'opposition officielle. Bref, ça s'est vu là, par le passé des médecins. Oui, il y en a quelques-uns qui continuaient, oui. C'est ça. Comme des rock stars. Ben, Amirkadir, c'est un exemple. Il continue de pratiquer. Amirkadir, lui, il est médecin généraliste, lui, médecin de famille. Il continue. Non, c'est pas médecin mais de famille, même, je pense qu'il est urgentologue. Parce que t'as quand même des patients, là, à un certain point. Ouais. Fait que tu fais quoi avec ces patients-là? Tu peux pas juste les garrocher à l'autre bout, là? Ouais. Ben, tu peux. Mais c'est, mais ouais, c'est ça, ils vont tomber dans le système que t'essayes d'améliorer à un certain point. Donc c'est ça, puis moi c'est une des choses sur laquelle je vais classer, puis c'est comme je dis, je veux juste faire bien attention, tu sais, c'est pas nécessairement dire que Gaétan Barrette est malhonnête, mais c'est juste de dire que... C'est pas spécifique à lui, c'est en général. Juste laisser sur le point un peu que, ben, tu prends n'importe qui, puis tu te mets dans une position où il y a peut-être un petit peu trop de pouvoir sur son salaire et ses conditions de travail, ça ben monte des à fois... La tête. C'est porter, c'est même pas de monter à la tête, c'est juste que on va tout être porté, on va tout avoir un billet positif envers la job qu'on fait. Ouais. On va tout être porté à peut-être s'en donner un petit peu plus sans vraiment se rendre compte. On va pas se dire nien, j'ai le pouvoir, je vais le faire. Mm-hmm. C'est juste, on peut-être juste, on est juste pas objectif quand c'est notre salaire qui est en question. Bon, ceci étant dit, une chose que je trouverais intéressante de voir, pis ça va être plus rare, mais ce que j'aimerais voir en fait, c'est un infirmier ou une infirmière qui se retrouverait ministre de la Santé. Je serais curieux de voir ce que ça donnerait. Par contre, ça pourrait ouvrir le flanc au même conflit d'intérêts. Ah, c'est ça, les infirmières, tout ça. C'est ça, parce qu'on peut dire un peu la même chose, parce que les infirmières, ben c'est des... Bon, la différence, c'est ça, c'est que le personnel soignant, autre que les médecins, ben c'est des syndiqués, donc c'est des les salaires se font à la négociation, là... C'est des négociations syndicales, dans le fond. Là. C'est des conventions collectives. Fait que déjà là, ça serait un petit peu moins pire et peut-être que ça pourrait pencher la balance un peu plus du côté du reste du personnel soignant que des médecins qui ont été quand même, objectivement, je pense qu'on peut dire qu'ils ont été quand même avantagés dans les dernières années. Puis bon, je trouverais ça intéressant de voir la mentalité qu'on aurait là. Par contre, ben moi, ce que je trouve, en fait, c'est qu'il est clairement temps qu'on aille autre chose qu'un médecin comme ministre de la Santé. Ouais. Sur ce... Est-ce que ça risque de se faire, tu penses? Je sais pas. Il est là. Ouais. Sous le ben, moi, il y a plus de chances que ça redevienne un gestionnaire d'hôpital que d'être un infirmier ou une infirmière au gradé. Parce que vérification non faite, rapidement comme ça, il ne me vient pas de nom d'infirmier ou d'infirmière qui est présentement... un élu ou un gros candidat potentiel. Parce que la santé, en plus, c'est pas un portefeuille que tu donnes à n'importe qui. Faut que ça, c'est un ministère complexe. Ouais. Est-ce que tu peux donner ce poste-là seulement à quelqu'un qui est déjà dans le... Non, tu peux le donner à n'importe qui. Okay, tu pourrais mettre... je me demande... Tu pourrais mettre petit Joe, là. Je pense que Pauline Marois a déjà été ministre de la Santé. Okay. Elle les a créé presque toutes passées, en fait, les ministères dans le temps. Des années 90, il y a eu un papé règne... Popé Règne Pékis, puis Pauline Marois était reconnue comme la ministre de toutes. Là. Elle a été ministre de l'Éducation pendant longtemps. Mm-hmm. Elle a été ministre de... En fait, elle était... Comme je dis, elle les a presque toutes faites. Fait, je suis pas mal sûr. Je me demande si elle n'a pas fait la santé aussi. Mm-hmm. Ça, je suis pas sûr. Ça mérite vérification. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Elle est vite. Ouais. Mais c'est ça. C'est qu'une des choses, ben, t'sais, le premier ministre est aussi un médecin. Donc... Mm-hmm. La blague, quand ce cabinet-là a été élu, on l'appelait le gouvernement des médecins, en fait, parce qu'il était trois médecins à des gros postes. Il y avait, son nom m'échappe, mais il était au ministère de l'Éducation, justement. Elle a été ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec en 98 jusqu'en 2001. Ah. Quand même, hein? Mmh. Oui. Juste bon 3 ans. Sur le gouvernement Bouchard. Mmh. Puis juste avant ça, était ministre de l'Éducation, juste avant. Oui, exactement. T'as sa liste dans l'ordre, hein? Il y a combien de postes? Il y en a vraiment beaucoup. Ouais, hein? C'est rien, les autres. Comme je dis, elle a presque toutes fait les ministères. C'est une collection. De certains points de vue, elle avait le CV parfait. C'est une femme comblée, là. Ouais. Clairement, là, elle est remplie, cette fille-là. Elle a tout fait. Cette femme-là. Dont être à la retraite, maintenant. C'est ça? Oui, aussi. Ouais. C'est drôle quand tu dis elle est comblée, plein de choses. Comment t'as dit, Sébastien? Excuse-moi, on n'a pas entendu. Non, je trouve ça drôle, c'est parce que c'est assez connu que Pauline Marois est assez riche, mettons. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas à cause de son salaire de ministre, pas en tout. Non, non, probablement juste à cause de son mari. À base, Pauline Marois avait le CV parfait pour être chef de parti et premier ministre. Elle a fait tous les ministères, mais c'est un peu à maner ce qui est cœur, c'est que c'est... C'est une politicienne à carrière. Oui, puis la personnalité peut-être aussi. Ben c'est ça, elle a tout le temps été en politique. Là. Il y a pas grand-chose qu'elle a pas fait pas en politique. Si je me rappelle bien, je pense qu'elle a une maîtrise en sociaux, une affaire de même. En fait, elle est travailleuse sociale. Travailleuse sociale. Oui. Mais elle a jamais... Je pense que Mme Marois jamais... Elle est athéisme aussi. Elle était qui, quoi? Du côté religion. Ah, comment? Elle est athée. Ah bon, cool. Ah, il y a des informations sur sa page Wikipédia. Ouais, c'est malade. Merci à la personne qui a rempli ça. Mais non, c'est ça. Je pense qu'en fait, Mme Marois a pratiquement jamais travaillé comme travailleuse sociale, par contre. Non, c'est ça. Elle est rentrée en conseillère politique. Boum, direct. Non, c'est ça. Bref, ça pour dire que conflit d'intérêts, ça se watch. Ouais. Ouais. Présentement, on vit à une époque, en fait, où les conflits d'intérêts, on les laisse... Puis je me demande si c'est pas un peu une affaire de pour amener cette joke-là, mais tu sais, un coup de... tu sais, on vit dans une époque d'individualisme un peu, puis que j'ai le doigt, là. Tu sais, j'ai le doigt, là. Ben, ouais, c'est ça. C'est un peu ça. J'ai l'impression qu'on est comme, ben, il peut faire ce qu'il veut. Ouais, jusqu'à temps que ça cause vraiment problème, tu sais. Tu sais, c'est ça, ça. On a de la misère à avoir les problèmes collectifs des fois. C'est souvent ça le problème. Oui, effectivement. C'est vrai. On se comprend là-dedans. C'est ça. Ouais. Sur cette triste conclusion, ouais, je vous laisse et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, quand, juste exactement dans les temps de cette Boom. Chronique. As-tu vu ça? Frayant. Choum. 36 minutes 16 de fond, 36 minutes 16 de chronique. On aime ça. Merci. Sébastien Viguertin, on te retrouve la semaine prochaine. C'est toujours les mercredis en tout début d'émission vers les 7h05. Merci. On prend une pause au retour. On continue cette émission-là. Toi, ça oui, ça arrête pas toi, non? Du tout. Mm-hmm. À sondage de qui? Pour toi aujourd'hui. Toujours à Assemblage Requis en ce mercredi matin, 11 octobre 2017. Tania Baudin et Mathieu Plante avec vous jusqu'à 10h. On se prend le temps d'écouter une petite chanson avant de continuer. Écoutons White Horse avec Pink Kimono. I got things, things, things I want to do to you. You, if you want to do me too. Ooh, all the things I want to do to you. I got more, more, more I want to do to you. Kimono à Assemblage Requis, Tania. Oui. Parlons des Américains. Allons-y. Un peu dans son foutu palmarès. C'est la chronique où on liste un sujet plus ou moins précis, comme ça, en forme de liste. C'est tout ce qu'on fait, finalement, des listes. Mm-hmm. C'est quand même assez simple comme format, vous me comprendrez là-dedans. Mm-hmm. Ah oui. Alors, aujourd'hui, on parle d'Américains et de leurs dépenses, en fait, comment les Américains dépensent leur argent. Les boys. Ouais, donc on dit, quand, là, on parle de l'année passée, là, environ 10,7 trillions de dollars en magasinage. Et un trillion, c'est, en français, là, on appelle ça, on appelle ça un billion en français, à ne pas confondre avec un billion en anglais qui est un milliard en français. Exactement. En mathématiques, dans les pays qui utilisent l'échelle longue, un trillion, c'est un milliard de milliards. Et dans les pays qui utilisent l'échelle courte, et notamment dans les publications anglo-saxonnes, un trillion représente 1000 milliards. Donc 10 à la 12 ou 10 à la puissance 18. On va dire que c'est beaucoup d'argent, OK? Wow, 10,7 oui. trillions ou billions en français de dollars. On pourrait acheter avec ça 2000 gros trucs porte-avions, 300 îles privées et toujours avoir encore un petit peu d'argent de lousse. Donc voici comment les gens dépensent leur argent. La bière, ils payent 96 milliards de dollars, assez pour faire 199 937 239 barils. Selon la Brewers Association, mm-hmm. c'est beaucoup de bière. C'est beaucoup. Ouais. Je vais utiliser les termes anglo-saxons, évidemment, pour se simplifier la vie ici. Pour les bretzels, mm-hmm. on achète 550 millions de dollars de bretzels, selon Reuters. À la Saint-Patrick, la fête de la Saint-Patrick, 17 oui. mars, ma fête encore. 4,14 milliards de dollars selon la National Retail Federation. Ensuite, les trucs pour blanchir les dents, qu'on achète oui. à la pharmacie là, sans prescription ou rien, là, selon MSNBC, c'est 1,4 milliards de dollars quand même, hein? qu'on dépense là-dessus. Incroyable. Les traitements pour le sinus. Les sinus, oui. les bouteilles en spray, les petits les dauphins, etc. 5,8 milliards de dollars selon le Centers for Disease Control. Celui-là est un petit peu bizarre. Oh, mon Dieu. On dépense les Américains, pas les Canadiens. Les Américains dépensent 310 millions de dollars sur les costumes d'Halloween pour leurs animaux de compagnie. Wow. L'industrie des animaux de compagnie en général, c'est 50,96 millions de milliards de dollars selon la National Retail Federation and American Pet Products Association. À Pâques, on dépense 16,8 milliards de dollars selon la National Retail c'est ça pour Association. Pour du chocolat. Pour du chocolat, ben, j'imagine aussi probablement des trucs de lapin, probablement. Des cartes de souhait peut-être, je sais pas. Là. Tu veux souhaiter quoi à quelqu'un à Pâques? Joyeuse Pâques! Joyeuse Pâques! Bonne année! Ensuite, les romans, comment dire? À l'eau de rose, romantique un petit peu, 10 les milliards. Les Harlequins. Ouais, les Harlequins. 10 milliards de dollars selon Romance Writers of America. Ensuite, des bagues de fiançailles ou de mariage, boy. 11 milliards de dollars selon Not Market Intelligence. Dans le même domaine un peu, les fleurs de la Saint-Valentin, mm-hmm. 1,7 milliard. Selon encore la National Retail Federation. Wow, quand même. Le chocolat en général. Pâques, qu'est-ce qu'il y a d'autre oui. Comme fête de chocolat? Noël. Ouais, Noël. Tout ça, là. 16 milliards. Hé! Hey, on okay. mange, les Américains, 2,8 milliards de livres par année, selon l'IBIS. Le parfum, 4,2 oui. milliards, okay. selon Research and Markets. Le gambling. Comme au casino, mettons. Au casino, et ça, c'est un chiffre pas mal élevé, 34,6 milliards. Hey. Selon l'American Gaming Association. Hmm. Bon problème de jeu, hein, aux États. Notre préf, dans ce cas-ci, le café, 11 milliards, dont 1,4 milliard de dollars en organique biologique. Comment ça se fait? C'est bien ça, on aime ça. Selon Franchise Direct et North American Organic Coffee Industry Report. Ensuite, les tatous. Mm-hmm. C'est plus petit, ça. 2,3 milliards selon Inc. Ah, tu vois, je croyais que ça allait être plus élevé. Moi aussi. Enlever les tatous, par contre, 66 millions. Ouais. Tu vois, 2,3 milliards pour les mettre et c'est 66 millions pour les retirer, c'est selon ça. L'IBS. Les balles de golf, 500 millions selon Forbes. OK. Les biscuits des Girl Scouts là, en porte-à-porte, 800 millions selon Girl Scouts of America. La taxidermie, ça c'est faire bourrer vos animaux de compagnie après leur mort. Là. 800 millions de dollars. Je sais que c'est cher de la shot là, ouais. Par animal, mais quand même, selon Breakthrough Magazine. Ensuite, les jeux vidéo, un très très respectable 17 milliards de dollars, selon NPD Group. Les boissons gazeuses, c'est plus que les jeux vidéo, 65 milliards. Oh, okay. Selon la National Soft Drinks Association. L'eau en bouteille, ça, là, je comprends pas là, pourquoi ça existe encore, mais 11 milliards de dollars selon Beverage Marketing Corporation. L'épicerie, 478 milliards selon la USDA. Le fast-food, 117 milliards. Les sports professionnels, 25,4 milliards. Mm-hmm. Les magasins, 1$, 30 milliards. Médecine alternative, 33,9. Papier de toilette, 2,6. Les sonneries de téléphone, 5 milliards de dollars partout dans le monde, selon le New York Times. Wow! Oui, quand même. Ensuite, les frais de carte de crédit en retard, 18 milliards. OK. S'occuper de sa cour, 40 milliards. Et là là! Et s'occuper de ses enfants, 47 milliards. OK. Et on va terminer avec les Twinkies. C'est comme l'équivalent des les petites pâtisseries comme Vachon avec la crème à la vanille. Uh-huh. Environ 500 millions de dollars selon le Wall Street Mais Journal. Mais non! C'est incroyable. Hey, c'est tellement... Ça n'a aucun sens. C'est tellement d'argent. C'était beaucoup de chiffres. J'avais un deuxième article dans le même sens, mais je vous laisse aller le consulter sur assemblagerequis.com, étant donné qu'à un moment donné, les chiffres, on se noie là-dedans. Mm-hmm. Mais il y a plein d'autres informations. Par exemple, je sais pas, des feux d'artifice, acheter des sacs de glace et d'autres trucs plus détaillés, plus précis comme ça, dans le deuxième article. On va y aller avec un autre article dans un autre registre, je te dirais. Mais ça va quand même rester un petit peu dans l'argent parce qu'on parle de... Oh, attends un petit peu. Est-ce que j'ai le bon lien? Je vais juste m'assurer. Tu sais que... Ouais, c'est ça. Parce moi, que je pense qu'il ouvre deux fois le même oui, lien. Oui, exactement. Bon, c'est pas grave. Si on le copie-colle, ça fonctionne. Donc, copie-colle le lien okay. dans une autre fenêtre. On va parler de vol d'identité, en fait. Okay. 8 drapeaux rouges, 8 signaux à surveiller pour savoir, pour commencer, si tu es victime de vol d'identité et qu'est-ce que tu devrais faire. Le vol d'identité, c'est un crime qui prend beaucoup d'ampleur aux États-Unis, mais au Canada aussi, en Amérique du Nord particulièrement. Il y a quelques petites choses qu'on peut faire, en fait, pour empêcher les gens de voler votre identité. Bien sûr, de rester alerte, au courant. Achetez pas sur Internet. J'irai pas jusque-là, pour vrai, c'est pas mal sécuritaire de nos jours, le magasinage sur Internet. Vérifiez votre crédit régulièrement, oui. Bien sûr. Évitez les désastres potentiels avec ces 8 conseils. Donc, commençons par votre compte en banque, si jamais il a des charges inconnues. Donc, si tu reconnais pas un retrait, un compte, quelque chose qui a passé avec un nom de compagnie que vous connaissez pas, quelqu'un a peut-être volé les informations de votre compte. Même si tu remarques seulement une petite différence dans le montant, appelez votre banque immédiatement pour leur dire quelque chose de suspect, parce que peut-être que le voleur commence par une petite dépense pour voir si ça fonctionne, mm-hmm. et après ça, va y aller avec des plus grandes dépenses, on se comprend. Ensuite, si t'arrêtes pas de ne pas recevoir les bons courriels... Et ouais. le bon courrier par la poste. Quelqu'un a peut-être changé l'information de contact dans tes comptes, a demandé un changement d'adresse au service postal, donc vous allez ne pas recevoir vos comptes. Il est là! Vous vous dites, ben quand même, où est rendu mon compte ouais, de câble ou distribution qui n'est pas Vidéotron, mettons. Visitez donc votre site web de compagnie, des compagnies que vous utilisez, pour rester au courant tout le temps des charges et des adresses. Et gardez tout le temps votre adresse de courrier à jour. Et on dit, bien sûr, ça je pense que c'est très important de nos jours, surtout avec les gens qui fouillent les poubelles, de déchiqueter votre courrier. Ensuite, troisième conseil pour faire attention au vol d'identité, votre rapport de crédit, votre dossier de crédit, liste des comptes que vous ne reconnaissez pas. Donc, bien sûr, on dit qu'il faut souvent vérifier votre crédit, que ce soit chez... peut-être pas chez Equifax. Ouais, c'est mettons. Ça. Allez-y, TransUnion. Mettons TransUnion. Ouais. Vous avez le droit de demander, bien sûr, en payant. J'ai réalisé qu'il fallait payer pour ces affaires-là. Oui, ben oui, au c'est Canada, sûr. Au Canada, c'est... Bref. C'est comme ça. Si vous remarquez des anomalies, mm-hmm. donc, par exemple, on a fait des hard pulls sur votre dossier de crédit. Vous pouvez faire des soft pulls et des hard pulls. Ça affecte différemment votre dossier de crédit. Mais bref, si vous avez des pulls comme ça, des vérifications de votre crédit que vous ne reconnaissez pas, ben c'est que peut-être que quelqu'un d'autre l'a fait que vous. Vous recevez des appels parce que vous devez de l'argent, mais sur des comptes que vous n'avez pas. Donc, okay. Vous recevez des téléphones, des appels téléphoniques de huissiers ou de trucs comme ça. C'est facile de les ignorer, mais ça pourrait être que quelqu'un a ouvert un compte à votre nom et n'a jamais payé la facture. Mm-hmm. Donc, pour être vraiment complètement vidé de tout soupçon, vérifiez votre dossier de crédit pour confirmer tout ça. Bonne bien idée. Sûr. si vous recevez un avertissement du gouvernement, peut-être évidemment, quand même, lors de vos quand impôts, même, ouais. J'imagine que ça aurait du sens. Si vous recevez une contravention que vous ne méritez pas, que vous n'avez pas de voiture, peut-être que ça pourrait être une bonne affaire de vérifier ça. Donc, si vous recevez une contravention par la poste qui n'est pas à vous, contactez bien sûr la police pour disputer ça et leur dire que peut-être que vous avez été victime d'un vol d'identité. Si vous recevez des messages sur les réseaux sociaux, mais que vous n'attendiez pas, si vous recevez des messages donc de membres de votre famille ou de vos amis, mais qui n'ont pas de sens, quelqu'un a peut-être hacké leur compte et utilise votre identité ou leur identité pour cibler vos amis et votre famille. Donc, essayez de contacter la personne qui a envoyé les messages, la personne qui dit avoir envoyé les messages. Par exemple, un de mes collègues, mon autre emploi, s'est fait prendre son identité sur Facebook. Oui. Il reçoit, ses amis reçoivent tout le temps des demandes de lui. Ouais. Et pas des demandes juste visuel de mon ami, c'est des gens, hey, salut, ça va, quoi de neuf? Mais c'est pas lui qui les a écrits. Là. Non, donc, c'est on ça. Voit passer une fois par semaine sur Facebook cette personne-là qui dit genre, c'est pas moi. Ça fait peur quand même. Donc, contactez la vraie personne sur une autre plateforme comme un message texte, par exemple, pour voir si la personne a peut-être été victime de ce vol d'identité-là. C'est plate d'avoir à penser à ces affaires-là, mais bon, hein? C'est comme ça! Ça arrive, surtout de plus en plus, là. En 2017, je te dirais. On est rendu là? Tout à fait. Toujours dans son foutu palmarès, comme on a le temps, onze façons scientifiques de faire une bonne première impression. Oh, OK. C'est pas de chanter une chanson comme zigzonzonzon. Non, c'est ça, exactement. Il y en a d'autres. Tenez-vous donc, loin de ça. C'est difficile de se remettre d'une mauvaise première impression. Je sais pas si t'as déjà vécu une mauvaise impression. Tout à fait. Est-ce que t'as une anecdote à compter? Non. Chaque jour de ma vie. C'est blague. Ouais, première mauvaise impression, j'ai pas tant d'amis. Ben, mettons, tous les pas tant gars que. Ça, tous les gars que je rencontre à la chasse-galerie les soirs où ils sont vraiment sous, c'est des mauvaises impressions. Ceux qui te pognent les fesses et qui disent que t'as des beaux seins dans ton vêtement. Ouais, c'est ouais. ça. On les salue d'ailleurs. Ceux-là. Ouais. Bref, c'est difficile des fois de se remettre d'une mauvaise première impression, mais ça veut pas dire que tu devrais avoir peur de rencontrer de nouvelles personnes. Non, c'est vrai. Donc, on dit d'attaquer ses premières interactions avec confiance, avec 11 stratégies prouvées. Hein? Mm-hmm. Pour faire une bonne première impression selon un mental class, commençons avec maintenir un bon contact visuel, mais pas creepy. Il y a une fine, mince ligne entre ouais, très, très mince. Un regard intense et un regard juste intéressé. Ouais, c'est ça, faut faire attention. Bref, les études montrent que les gens qui maintiennent le contact visuel sont perçus comme étant plus intelligents. Mais ça se peut avoir trop longtemps le regard fixé sur quelqu'un. Les psychopathes ont ce qu'on appelle un odd gaze pattern. Donc, ça veut dire une façon de regarder bizarre. Donc, ne donnez pas à votre nouvelle connaissance la mauvaise impression. Ensuite, d'avoir une poignée de main qui est ferme et chaleureuse, oui. mais aussi sèche. Ah, OK. Les chercheurs nous apprennent que les meilleurs points de main sont comme ça. C'est la bonne clé pour faire une première impression qui a de l'allure. Ces facteurs-là sont très importants à retenir lorsqu'on rencontre une femme ou un homme qu'on n'a jamais rencontré avant. En fait, c'est prouvé que les femmes, en fait, sont meilleures que les hommes pour traduire les indices qui ne sont pas verbaux. Donc, des indices corporels, par exemple, ils ont plus de chances d'apprécier et d'interpréter correctement une bonne, forte poignée de main, mm-hmm. sèche, chaleureuse et ferme. OK. Hein? Ensuite, il faut considérer le ton de sa voix. Oui, ben oui. Selon une étude de 2014, le jugement sur la confiance de la personne, confiance envers la personne, sa dominance et son amabilité sont liés avec la façon dont on dit les choses. Les chercheurs ont analysé la façon que 320 participants percevaient l'attirance vocale chez les hommes et chez les femmes avec de nouvelles voix qui n'étaient pas familières. Ils nous apprennent donc qu'un seul mot parlé comme « hello » était mm-hmm. assez pour faire un jugement rapide sur la personnalité de la personne. Et l'étude nous apprend aussi que les voix plus graves d'hommes sont considérées comme plus dominantes et attirantes, alors que les voix plus aiguës et typiquement féminines étaient considérées comme plus dominantes et plus attirantes. Attends un petit peu. Ça dit plus, mais d'après moi, c'est moins. OK. Parce que ça dit... la phrase, là, ça dit que les voix plus graves sont considérées comme plus dominantes et plus attirantes, et ça dit après ça que les voix féminines plus aiguës sont considérées comme plus attirantes et plus dominantes. Ça se peut pas, là. Donc j'imagine qu'il y a un moins là-dedans. Non. Mais bon. Bref, les chercheurs nous disent que les voix plus âgées aussi sont perçues comme étant plus amicales et plus de confiance. C'est rare qu'une phrase est mal écrite sur mentalfloss.com, mais je crois que c'est le cas. Ensuite, il faut s'habiller pour le succès. Oui. On dit souvent de s'habiller pour le poste que t'aimerais avoir et non pas le poste que t'as présentement. Donc, une étude de 2013 a demandé à 300 participants adultes de juger rapidement les photos d'hommes qui portaient soit un habit très bien découpé par un cordonnier... Pas un cordonnier, c'est quoi le nom de la personne qui fait un habit? Un tailleur. Un tailleur? Ouf. Plus qu'un habit que tu as acheté au magasin, que tu penses qu'il te fait bien, mais qu'il y a peut-être des petites lacunes. Donc, constamment, les hommes qui avaient un habit bien taillé avaient l'air d'avoir plus confiance en eux, avaient l'air d'avoir plus de succès et avaient l'air d'avoir un meilleur salaire que les autres qui étaient habillés juste dans un magasin d'habits normal. Ensuite, toujours dans la liste des façons de faire une excellente première impression, d'avoir une bonne hygiène de soi. Définitivement. Ça, je pense que même si tu veux pas donner une bonne impression, ça te l'apprend. C'est ça. Il y a une science derrière ça, par contre. Comment ça peut améliorer ton réseautage? Une étude de 2007 explorait comment les membres du sexe opposé se faisaient, évidemment, on parle stéréo-hétéro-normatif, faisaient une meilleure première impression basée sur la bouche et les dents. Les deux sexes préféraient des sujets qui avaient une dentition, qui avaient l'air en santé. Par contre, l'apparence des dents avait moins un grand rôle à jouer lorsque les participants évaluaient l'attirance qu'ils avaient envers le membre du même sexe. Hétéronormatif. Ouais, c'est pas faux. J'ai longtemps fait une obsession sur les dents des gens que je rencontrais. En fait, j'en fais toujours une. je me suis déjà fait virer de bord pour ça, les dents. À cause de tes dents? Ouais. Mais non, mais t'as les dents droites? T'as des belles dents? Ben, si tu me dis ça, je vais le prendre comme un compliment, Tania, mais j'ai pas l'impression. Bref. Ah, OK. Se faire une bonne coupe de cheveux ou recevoir une bonne coupe de cheveux, oui. En fait. Et même de se faire pousser une barbe. Ben, non. Non? C'est fini, la barbe, là. C'est fini. C'est juste une petite barbe. Ouais. Comme la mienne, une petite barbe courte. Mais y a rien comme un gars qui est bien rasé, selon moi. Ah, OK, j'avoue, ouais. Ouais. Je suis d'accord. Une fois taillée comme, exactement comme je l'aime, exactement. Je l'aime mieux que maintenant. C'est correct si t'en as une, mais il faut vraiment qu'elle soit bien taillée. Là. Ouais. Est-ce que tu veux que les coins soient faits, genre au rasoir, ouais. À la pioche? Ça, j'aime pas ça, non. Ça dépend sur qui, ouais. Effectivement. Bref, dans les détails comme ça, on parle simplement d'avoir une belle coupe de cheveux et peut-être une barbe. Une étude sur les barbes et sur la longueur des cheveux et leur effet sur la première impression en 1978. Vous apprenez que les cheveux courts étaient plus favorables, alors que les hommes avec une barbe étaient considérés comme plus attirants que les hommes rasés. Ça va bien. Mais bon, évidemment, le man bun qui est encore à la mode, apparemment. Oh non, ouais, non, c'est encore à la mode. Non, mais ça? Tu sais, du temps, pas ça, fait que ça va revenir à la mode. Là. Ouais, mais moi, là, tu sais-tu de quoi je rêve? Quoi? Du jour où il y a une fille dans Occupation 2 qui va dire à Jay Dutombe que c'est avec lui qu'elle veut partir. Oui. Ça serait malade. C'est malade. Mais il y a une publicité à la télé, je me rappelle pas pour quelle marque, là, mais où il y a genre quelqu'un qui voit un man bun passer, puis genre tire la couette, puis coupe les cheveux. Là. Ah, pas vrai? C'est vraiment bon. Je veux voir cette publicité. Vraiment bon. S'il vous plaît. Man bun scissors commercial. J'ai de plus en plus de difficultés avec les man buns. C'est, ouais. Fait, on aime pas ça tous les deux. Mais comme on a des auditeurs à la chasse-galerie des fois qui portent le man bun, on va peut-être oui, se refermer un peu. Exactement. Ça pourrait être mal vu. Ensuite, évidemment, l'étude dont je viens de parler là, sur les cheveux et la barbe, c'était en 1978. Ça pourrait valoir la peine de refaire cette étude-là, peut-être. Mm-hmm. Ensuite, on suggère, pour faire une bonne première impression, en passant, d'être là en personne, si vous le pouvez. Bon, évidemment, là, moi, je pensais que les premières impressions, c'était pas mal tout le temps en personne, mais non, j'avoue qu'il y a du Skype et du FaceTime à quelque part là-dedans, des fois, pour des entrevues, par exemple, pour un emploi. Bref, selon une nouvelle recherche, votre profil de dating en ligne, tiens, pourrait vous jouer un petit peu contre vous. Une étude en 2014 évaluant la précision des premières impressions faites en personne versus les rencontres numériques prouvait que c'était mieux de se rencontrer en face-à-face. Les impressions passives, donc en regardant une vidéo ou en regardant des photos sur Facebook, exemple, c'était beaucoup plus négatif que les impressions qu'on a fait avec un speed dating en 3 minutes. Donc, regarder des photos et vidéos versus un speed dating de 3 minutes, c'était mieux. L'interactivité en personne. Oui. Ouais. Je crois aussi. Bah, quand même. Ensuite, tiens, ce que je pourrais faire un petit peu plus souvent, des fois, attendre avant de parler. Un psychologue assez reconnu recommande donc de laisser l'autre personne parler en premier. Quand tu monopolises la conversation, tu montres ta dominance au lieu de ton côté chaleureux. Mais si la nouvelle connaissance se sent compris et bien écoutée, tu peux encourager la discussion en parlant toi aussi, en encourageant donc l'acceptation et l'ouverture de la conversation. Wow. quand même. Ah, OK, c'est la grande cause numéro un du pourquoi je suis toujours célibataire. Oh non, tu parles en premier, tu parles beaucoup? Ben, pas je parle beaucoup, mais si t'as rien à dire, m'a parlé, moi. Ben, j'avoue, le silence, on n'aime pas le silence, on est des gens de radio, hein. Mais on remplit les silences. Tu fais quoi si la personne devant toi parle pas, puis que toi non plus tu parles pas parce que les deux vous attendez que quelqu'un parle? Ouais, c'est que se passe dans ce temps-là. Ben, vous allez pas parler. Non. Donc, si je veux te parler, pourquoi je te parlerai pas? Si je veux te parler, pourquoi je te parlerai pas? On fait ce qu'on veut dans la vie, t'as bien raison. Pourquoi j'attendrais que tu me parles si je veux te parler? Je suis d'accord. Les normes de la société... Je vais y aller, puis au pire, réponds-moi pas, puis ça sera tout le perdant. Exactement. C'est comme ça que je pense. Ça, c'était le conseil 8B. Exactement. Passons au 9e. Conseil de Tania pour rester célibataire. Continue comme ça. Oui. 9e façon de montrer une meilleure première impression, c'est de montrer en fait ton intérêt et ramasser des informations, faire ton petit détective privé un peu pour bâtir la confiance pendant une première rencontre. C'est très important. Et une façon de le faire est d'écouter et de connecter au niveau personnel. Ça a l'air d'être une perte de temps pour certains, mais les petites discussions avant une négociation, par exemple, de salaire ou peu importe, ça peut aider à créer une conversation qui va porter plus ses fruits. OK. Ensuite, 10e conseil, prendre la pause. Une bonne posture, ça montre que tu as confiance oui. en toi. Oui. Un autre petit conseil par rapport à votre corps, cherchez sur Google Images Power Posing pour montrer une pose forte. Et la prendre pendant quelques minutes, ça va augmenter, en fait, avant la réunion, là, pas devant la personne. On s'entend de... Tu prendras pas une pause de super-héros pendant 2 minutes devant la personne, mais avant de te rencontrer, peut-être dans la salle de bain, peu importe, ça va augmenter ton niveau de testostérone et ça va descendre ton niveau de cortisol. Cortisol, pardon. Donc, ces changements chimiques-là vont configurer le cerveau pour que vous vous sentiez un petit peu plus confiant, confortable. Bonne chose? Oui, bon, ça s'appelle oui, Power c'est bon. Posing. Et bien sûr, ça aurait pu être le premier, mais ils l'ont mis en dernier sur la liste, sourire. Ben, certainement. C'est très important. Les chercheurs au Royaume-Uni ont exploré la corrélation entre l'expression faciale et la personnalité perçue. Et sans trop de surprise, ils ont appris qu'en rencontrant quelqu'un de nouveau, on étudie leur caractéristique faciale et on juge les intentions et l'attirance qu'on a envers la personne. Le grand sourire est souvent plus positif qu'un visage neutre. Ou les sourcils levés, ou surpris, ou méchants, ou quelque chose comme ça. Bref, les sourires ont plus de chances d'avoir une bonne réaction positive, ont plus de chances d'être renvoyés vers vous, donc un sourire en vaudra un autre, des deux bords. Voilà pour la liste des conseils pour donner une meilleure première impression. Ce sont tous des très bons conseils, je trouve. Ouais. Il n'y en a pas que, à part celui de ne pas parler, il n'y en a pas beaucoup que j'ai fait pas sûr. Ouais. Le man bun. Le man bun. Il aurait dû mettre un point juste là-dessus, n'ayez pas de man bun. C'est ça. C'est une liste sur mentalfloss.com, le lien sur assemblagerequis.com. On est rendu à une pause et après ça, ce sera à ton tour, Tania Bonin. Parfait. Et Tania is gonna entertain you. Restez là. Sondage requis pour toi aujourd'hui. Un sondage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. C'est faux, 89. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Deuxième heure et quart d'Assemblage requis en ce mercredi. On est quoi, là? Mercredi. 11 octobre 2017. Qu'est-ce qu'il y a, Tania? Rien du tout. Je lisais quelque chose. Est-ce que t'es accaparé par ce qu'on s'apprête à entendre? Ok, oui. De dropper. Tout à fait, dans pas long, ça va être le Bet Hip Hop Awards 2017. Tout à l'heure, avec Sébastien Evgertin, on a discuté pas mal politique. Mm-hmm. On a discuté d'un homme que je crois que la grande majorité de la planète déteste ces temps-ci. Il fait pas mal l'unanimité. du moins, il fait l'unanimité de sa haine pour Eminem, mm-hmm. qui vient tout juste de lancer des verses exceptionnels que je crois que tout le monde souhaite qu'on aurait écrit nous-mêmes concernant Donald Trump. On écoute ça. Langage explicite. Oui, oui, oui, sachez-le. Jeune public averti. Bam. Yeah. It's the calm before the storm right here. Wait, how was I gonna start this off? I forgot. Oh yeah. That's an awfully hot coffee pot. Should I drop it on Donald Trump? Probably not, but that's all I got till I come up with a solid. Got a plan and now I got a hatchet like a damn Apache with a tomahawk. I'ma walk inside a mosque on Ramadan and say a prayer that every time talks. She gets a I'ma stop. But we better give Obama props, cause what we got in office now's a kamikaze that'll probably cause a nuclear holocaust. And while the drama pops and he waits for shit to quiet down, he'll just gas his plane up and fly around till the bombing stops. Intensity's heightened, tensions are rising. Trump, when it comes to giving a shit, you're stingy as I am. Except when it comes to having the balls to go against me, you hide them. Cause you don't got the nuts like an empty asylum. Racism's the only thing he's fantastic for. Cause that's how he gets his rocks off and he's orange. Yeah, sick tan. That's why he wants us to disband, cause he cannot withstand the fact we're not afraid of Trump. Walking on eggshells, I came to stomp. That's why he keeps screaming, drain the swamp, cause he's in quicksand. It's like we take a step forwards, then backwards. But this is his form of distraction. Plus he gets an enormous reaction when he attacks the NFL, so we focus on that. And instead of talking Puerto Rico with gun reform for Nevada, all these horrible tragedies, and he's bored and would rather cause a Twitter storm with the Packers. Then says he wants to lower our taxes. Then who's gonna pay for his extravagant trips back and forth with his fam to his golf resorts and his mansions? Il dit qu'il veut baisser les impôts, fait qui c'est qui va payer pour ses voyages extravagants? Il parle de Puerto Rico, oui, il parle de son fake tan. La vidéo est quand même assez longue, vous allez voir. Prenez le temps d'aller l'écouter sur Internet. Recherchez les paroles aussi. Oui. Pour tous ceux qui détestent en fait Donald Trump, ça va probablement devenir votre hymne national. Il n'y a pas de beat à la chanson parce que, bon, on a lancé ça pour les Bet Hip Hop Awards, comme je le disais tout à l'heure. Et je m'attends à ce qu'un jour, il y ait un beat en arrière. Probablement, c'est même peut-être voulu que ce soit un avant-goût de ce qui s'en vient. Exactement. J'imagine. Donc, Eminem, c'est un petit 4 minutes et demi. Le lien sur assemblagerequis.com. Et justement, passons à toi, Tania. Oui. T'as aussi quelque chose à dire. Oui. J'espère que tu vas le beater comme ça. Eh boy, je ne penserai pas. Moi, je vais te faire des flows de rhymes sur une petite musique là, vraiment inquiétante. OK. C'était une petite Tania qui voulait être pour des médias. Fait qu'elle est allée à l'école, et puis maintenant à l'école, c'est Tania! And she's gonna do Tania! Tania! Je me rappelle pas de quoi tu lui parles aujourd'hui, tu me l'as pas dit, je pense. Ben oui! Je l'ai dit! Je vous parle de s'alimenter en voyage, en fait. Si on décide de faire des road trips ou si on décide tout simplement de voyager, parfois ça devient un petit peu compliqué. On se dit que c'est compliqué, mais bien s'alimenter en voyage, c'est pas tant compliqué que ça, vous allez voir. C'est une question de pouvoir garder la shape pour certains. Pour d'autres, c'est une question de peut-être juste se reconnaître avec ce qu'on va manger en voyage. l'entourage. Pour d'autres, c'est tout simplement important de bien s'alimenter. Donc, quand on mange pas assez équilibré, quand on manque souvent d'énergie pour faire, par exemple, ce qu'on veut dans une journée de voyage, bien, c'est déplaisant. Et je vais vous avouer que d'être sur le bord de la plage et de devoir manger que de la junk food ou de faire un road trip et de devoir manger juste du fast food, eh bien, parfois, les journées peuvent sembler pas mal plus grises qu'elles ne le sont, ouais. Parce qu'on va manquer d'aliments qui est quand même assez important. Donc, comment est-ce qu'on peut arriver à bien s'alimenter en voyage ou, par exemple, sur la route si on décide de faire un road trip? Le premier point, c'est de manger plusieurs collations. En fait, votre ventre va vous remercier parce que pour les personnes qui sont qui ont toujours faim, c'est une évidence, on a besoin de manger et c'est vraiment important d'avoir plusieurs collations à la portée de main, surtout en voyage. Par exemple, un petit détour à l'épicerie locale, ça va vous trouver quand même de très bonnes collations. Le tour va être joué, ça va être rapide. Avoir de bonnes collations nourrissantes et énergisantes, ça aide à ne pas exagérer les portions que vous allez avoir un petit peu plus tard dans vos repas. C'est un petit peu là qu'on veut mettre l'accent aussi. C'est que si on arrive à un restaurant qu'on connaît pas trop et qu'on se doit en quelque sorte de devoir un petit peu plus mal manger que ce qu'on aurait mangé chez nous, eh bien les collations vont avoir déjà comblé une portion de ce qu'on avait comme appétit. Alors, si on arrive à ce repas-là, bien, on va peut-être moins manger de la junk food, justement. Donc, grâce à ces collations-là, vous allez avoir moins de fatigue d'après-repas aussi. Ça va donner plus d'énergie pour la journée. Et évidemment, si vous êtes en voyage pour faire des activités physiques, bien, ces collations-là, c'est sûr que ça va vous remercier et votre corps va les remercier, surtout, croyez-moi. Il ne faut pas sauter de repas. Et la plupart du temps, lorsqu'on part en voyage, lorsqu'on part en road trip... lorsqu'on vit, dans mon cas. Ou lorsqu'on vie, c'est un petit peu ce qu'on a tendance à faire, c'est de sauter des repas et c'est la pire chose à faire. C'est pas toujours évident quand on est occupé, encore moins en vacances, surtout si on est en train de soit pagayer, faire du kayak, faire de la randonnée ou peu importe. Sauf que sauter un repas, c'est pas bon. Il y a de fortes chances qu'en sautant un repas, on n'ait pas la quantité de nutriments nécessaires pour le reste de la journée. En plus, vous allez avoir tendance à compenser dans les prochains repas. Donc, vous allez manger de plus grosses portions et comme je le disais tout à l'heure, via les ça va aider justement à équilibrer tout ça. Donc, dans le fond, il faut juste vraiment bien répartir nos repas dans notre journée avec les collations qu'on va manger. Choisir, évidemment. Manger, oui. Il ne faut pas négliger les fruits et les légumes, bien évidemment. On le sait, si on est en voyage, la plupart du temps, on va avoir des buffets qui vont être tout inclus, surtout si on va dans le sud. Oui. Mais sachez-le, souvent, c'est les pires ennemis pour la shape. Si vous voulez garder votre shape ou si vous voulez garder votre santé pendant votre repas. Si vous voulez garder votre nourriture dans votre corps aussi, des fois. Donc, c'est là que c'est facile de faire des mauvais choix alimentaires ou de beaucoup trop manger. Un petit truc, en fait, c'est de toujours commencer avec les fruits et les légumes. Ça dépend, là, si vous êtes au déjeuner, commencez avec des fruits. Si vous êtes au repas de dîner ou souper, commencez avec des légumes. Donc, après en avoir mangé une belle grosse assiette, vous allez être certain d'ingérer des bons éléments nutritifs. Ça va être votre base de votre repas. Ça va être la première chose que votre système va justement commencer à travailler au lieu de tomber dans les gras, dans les gras et tout ça dès le premier moment. Donc, ensuite, vous allez avoir beaucoup moins faim pour les autres choix qui sont un peu moins santé dans ces fameux buffets-là. Il faut se mettre des règles, mais surtout, il faut les suivre en voyage. C'est un petit peu ça qui est difficile parce que souvent, on se dit « Bon, je m'en vais en voyage, j'ai plus de règles, je me lève à l'heure que je veux, je fais ce que je veux, je bois ce que je veux, je mange ce que je veux. » Mais il y a des règles qui peuvent être moins sévères qu'au quotidien, mais il y a des règles quand même à suivre, surtout si vous voulez conserver justement une bonne alimentation et pas... T'sais, quand on dit une bonne alimentation, c'est surtout pour votre propre corps. Vous voulez pas mal vous sentir pendant que vous êtes en voyage. Je pense qu'il y a rien de plus désagréable que d'être en voyage et de se sentir malade tout au long de ce voyage-là. Alors, si vous avez l'habitude quand même de bien manger, c'est important de continuer à bien manger lorsque vous allez être en voyage. Donc, sans règles, on compte plus nos excès et c'est là qu'on va se laisser aller et des fois, on va se laisser beaucoup trop aller en voyage. En plus, il y a des restos rapides comme de style junk food qui sont souvent très accessibles en voyage et qui ont des repas pas mal moins chers que ceux qu'on devrait prendre. Donc, c'est clair qu'il faut se permettre de goûter aux repas traditionnels, même si ça semble être un petit peu du trichage selon ce qu'on veut manger. Sauf qu'il faut savoir se donner des limites et les respecter. Donc, c'est surtout ça qui va faire une bonne différence le temps que vous allez être en voyage. Là, je parle de voyage surtout, par exemple, dans les tout-inclus dans le sud. Mais si vous voyagez, par exemple, par vous-même avec des amis ou peu importe, ça va rester les mêmes règles, sachez-le, parce que vous allez avoir tendance à y aller pour ce qui est moins cher. Ou vous allez avoir tendance à y aller pour ce qui est typique de la place. Et souvent, ce qui est typique de la place, bien, c'est pas santé. Donc, il faut faire attention. Il faut faire aussi peut-être un petit peu de recherche à savoir où on devrait aller manger si on veut manger un petit peu plus sainement que si on veut rester à l'hôtel et manger ben, ben gras. Il faut boire beaucoup d'eau, c'est un bonus en fait en voyage, surtout si vous allez dans le sud, du côté de l'hydratation, ça va vous sauver. Si vous allez dans un tout inclus, ben du niveau de l'alcool, un verre d'eau, un verre d'alcool, c'est pas mal la recette gagnante dans toute équation avec de l'alcool. Mais dans une alimentation saine, l'eau fait toujours partie de la recette à suivre, c'est connu, on va vous répéter la même chose pendant des années, c'est quelque chose jusqu'à qui est établi. Que vous compreniez. Exactement. Sauf qu'en voyage, on a souvent une petite tendance beaucoup plus intense de consommation de boissons alcoolisées que d'eau. Donc, on peut pas nécessairement faire une liste de trucs à se rappeler, mais c'est important de boire de l'eau quand même quand on consomme de l'alcool. Donc, si vous êtes sur le bord de la piscine, puis qu'il y a un petit bar dans le milieu de la piscine, comme dans les bons vieux tout inclus, bien, rappelez-vous de conserver une bouteille d'eau avec vous en tout temps. Et maintenant que c'est dit, c'est aussi important de boire cette eau-là qui se trouve à l'intérieur de cette bouteille-là. Surtout si vous faites des activités extérieures pendant la journée. Comme tout à l'heure, on parlait pour les collations de randonnée, on parlait de marche, on parlait de kayak, tout ça. Mais même si vous êtes dans l'eau, vous n'allez pas avoir tendance à y penser, mais vous allez avoir une déshydratation qui va être faite. Donc, vous devez réhydrater l'intérieur de votre corps et c'est avec l'eau que vous allez arriver à faire tout ça. Donc, c'est un truc pour, par exemple... Pour pouvoir en boire plus dans sa journée, ayez tout le temps justement votre bouteille d'eau avec vous en voyage. Je sais qu'il y en a certains que des gens avec qui vous allez être en voyage, ça va peut-être les gosser là, que vous ayez une bouteille d'eau. Moi, par exemple, je sais, mon père, il aille ça, avoir des bouteilles d'eau partout. Ben mais c'est un peu l'idée clé de se rappeler justement que vous devez boire de l'eau, surtout en voyage, c'est qu'on... pas nécessairement avoir un verre tout le temps à portée de main. Donc, une bouteille, c'est essentiel pour ça. Si vous êtes du style à faire des road trips au Québec, plus précisément, ou encore au Canada, bien, on les connaît, les restaurants là, qu'on va rencontrer, les McDonald's, les Tim Hortons, les IW, les Thai Express, les snacks qui sont sur la route. Donc, j'ai quelques idées pour vous, en fait, parce que on est tanné d'avoir l'air ballonné en arrivant quelque part parce qu'on a fait justement un road trip de, par exemple, 8 heures. On s'est arrêté quelque part, on n'a pas nécessairement pris la bonne décision. On a décidé de prendre le burger au lieu de la petite salade. Donc, on arrive un petit peu à votre rescousse avec ça. Lâchez les Timbits, vous allez voir, j'ai d'autres conseils pour vous. Je vous propose en fait quelques options qui sont un petit peu plus santé que de la poutine ou un 6 pouces steak fromage de Subway. Mais est-ce que c'est aussi bon? Eh bien, oui, en fait, c'est bon pour ton corps. Fait que pourquoi est-ce que ça serait pas bon pour toi? Vu de même. Donc, on a trouvé des options qui étaient un petit peu plus saines, un petit peu plus nutritives pour votre corps. Et surtout, gardez en tête que lorsque vous faites un road trip, vous la dépensez pas, cette nourriture-là. Vous êtes à l'intérieur d'une voiture pendant un X nombre de temps. Donc, il y a de fortes chances que tout ce que vous allez ingérer, vous n'aurez pas la chance de pouvoir tout simplement le travailler. Ouais. Vous êtes dans une voiture, vous êtes en road trip, c'est ça. Pas le dépenser. Donc, allez-y avec cette pensée-là. Si vous mangez un hamburger, tu n'iras pas courir à côté de char. Là. Non. Tu vas être dans l'auto, assis, pendant une heure et demie avant de débarquer puis d'aller chercher une autre boisson gazeuse. Donc, mange pas non plus directement avant d'aller dans l'auto. Non. J'ai déjà fait cette erreur. C'est ça, exactement. On aime bien aussi se gâter en road trip. On relaxe, on se relâche un petit peu. Mais il faut prendre le temps quand même de faire attention à nous dans un road trip parce que justement, on est assis longtemps dans une voiture. Donc, ça peut être un désavantage. Du côté de McDonald's, si on y va avec les options santé, il n'y en a pas énormément, vous allez voir. Mais le gruau. C'est un bon livre, c'est une petite pluie par exemple, c'est quelque chose de réconfortant. Il n'y a rien comme du gruau. Et oui, le McDo offre un gruau, par exemple aux pommes, qui est chaud et ça va être très bon. Tu l'as fait avec du miel, c'est bon. Exactement, donc c'est une option qui est idéale en fait pour par exemple une petite frégale d'après-midi ou de prendre l'option gruau avec un ordre de toast. Vous savez peut-être pas, parce que c'est pas écrit nulle part sur le menu, mais McDonald's offre juste des toasts. Ouais. Donc c'est quelque chose que vous que vous pouvez faire. Et en plus, ils vous offrent le sachet de cassonade à côté. Donc, si vous voulez saupoudrer de cassonade, vous pouvez mais bien le faire. Mais sérieusement, si vous êtes pour prendre du griot, des toasts, puis de la cassonade, faites-le donc chez vous au lieu de payer. Mais ça dépend. Parfois, t'es juste en road trip direct sur l'heure du déjeuner. Donc, c'est beaucoup plus nutritif que des McCroquettes ou encore un gros muffin aux pépites de chocolat ou l'œuf McMuffin. Ouais. C'est souvent quelque chose à laquelle on pense pas, mais le gruau va être beaucoup plus nutritif en termes de temps. Donc, vous allez être beaucoup plus rempli longtemps que si vous, par exemple, vous prenez l'œuf McMuffin. Là, je m'y mets au gruau, hein. C'est une bonne idée, ça. Oui, oui, oui, tout à fait. Il y a la salade fusion avec le poulet grillé aussi au McDonald's qui peut être une option assez alléchante si vous êtes en road trip et que vous vous dites que ça vous tente pas de manger un burger parce que, justement, courir en arrière de l'auto, ça vous tente pas. Je me dis que la vinaigrette, on... Ben, c'est ça. Il faut faire attention. Mais au lieu d'un Big Mac, prenez-vous la salade, par exemple. On contient beaucoup moins de sodium, il y a beaucoup moins de gras et on parle de 30 grammes de protéines avec le poulet. Donc, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus santé pour vous si on regarde ça comme ça, que le Big Mac en tant que tel ou encore le Mac Poulet, là, c'est pas très, très santé quand vous y pensez. Si on va du côté du Tim Hortons, on se dit déjà à la base que le Tim Hortons, ça peut... Mais on se dit à la base que le Tim Hortons, ça peut être mieux que le McDonald's. Ah oui? Ben, ça dépend, là. Pour certains, c'est meilleur parce qu'ils offrent plus de wrap, ils offrent plus de petits sandwichs qui ont l'air pas mal plus vrais, pas mal plus santé. Ouais. Donc, Tim Hortons, une des choses auxquelles vous pouvez penser lorsque vous y allez, c'est les soupes. Parce qu'il y a rien de plus réconfortant qu'une soupe. Et honnêtement, si on pouvait avoir un distributeur à soupe pour les journées où on a besoin d'un câlin ou quoi que ce soit, il n'y a rien comme un road trip où il mouille, là, c'est plate, c'est froid aussi la plupart du temps. Mais une soupe du Tim Hortons, c'est une très bonne option. Vous la mangez avant de partir sur la route ou si vous êtes du côté passager, bien ça se mange quand même assez bien. Parmi les choix de soupe, il y a le bon vieux... Le bon vieux Tim, la minestrone, la soupe de légumes du jardin. T'sais, allez-y avec les options, justement, où on va vous offrir des légumes. C'est quelque chose auquel on pense pas nécessairement tout le temps. Ouais. Mais faites attention avec les crèmes. Ah oui, mais ben ça, c'est moi, je prends les crèmes d'habitude. C'est ça, on parle de soupe, pas de crème. Donc, il y en a qui sont pauvres en sel, il y en a qui sont pauvres en gras aussi. Il y a une nouvelle soupe chez Tim Hortons qui est dinde et riz. C'est une option au côté beaucoup plus protéiné et aussi faible en gras. Donc, si jamais ça vous intéresse et s'ils l'ont, en fait, de disponible. Ils n'ont pas ça au kiosque Tim non, au pavillon Albert Tessier. Non, vraiment pas. Si on parle des collations du Tim, bien, si vous voulez une petite collation, vous pouvez opter, par exemple, pour le yogourt autre que la grosse beigne. C'est sûr que si vous avez... Grosse beigne? Ben, il y a tout le temps des grosses beignes. Non, t'es à Trois-Rivières depuis trop longtemps pour dire une beigne, je pense. Un beigne. Mais... En tout cas. Ça me fait rire, ça. Mais comme on le disait tout à l'heure, c'est beaucoup plus nourrissant. Donc, ça va être aussi bon. Et si vous cravez des Timbits, mais que vous ayez peur de finir la boîte de 10 ou de 20, là, que vous allez commander... Acheter la l'unité, quoi? Ben non, mais commandez-en entre 1 et 3. Ah, oh! C'est une option que vous avez sur les menus chez Tim Hortons. Il n'y a pas grand monde qui le savent. Non. Mais 1 à 3, c'est juste assez pour combler ton petit manque de sucre là, sur le road trip que ça te prend. Et évidemment, la caissière va te regarder bizarrement, mais votre envie de sucre va être rassasiée et vous n'allez pas avoir l'option de continuer jusque dans le fond de la boîte. Vous allez en avoir 3. Parce que t'en as même pas une de chaque sorte quand t'en prends juste 3. Puis... Choisis tes 3 meilleurs. OK. Si on regarde le A&W, bien, le sandwich poulet grill de luxe, c'est l'option la plus santé que vous pouvez avoir au A&W. Si vous rêvez d'un burger, là, justement, tu sais, vous êtes en road trip, vous dites « Ah non, mais tu sais, j'ai vraiment le goût d'un burger, la salade, ça me tente pas en tout. » Essayez-le en poulet grillé. Tout ce qui est, en fait, croustillant, prenez-le en grillé. Vous allez voir, ça va faire une grande différence. Surtout sur votre estomac, le temps que vous allez être sur la route, c'est probablement votre estomac qui va vous remercier au plus haut point de ce côté-là. Évidemment, une des options santé qu'on connaît au Québec, qu'on connaît assez bien et que c'est facile d'accès à partir des autoroutes, c'est le Subway. C'est pas mal vous qui décidez ce que vous allez mettre à l'intérieur. C'est pas mal vous qui allez choisir les sauces aussi. C'est vous qui allez choisir si vous mettez du fromage ou non. Donc, le plus que vous allez mettre de légumes possible dans votre sandwich, bien, vous allez avoir le plus de chances d'avoir de bons choix santé. Et si vous choisissez le pain aux 9 grains au lieu de, par exemple, celui au fromage, bien, vous allez avoir un meilleur choix à ce moment-là. Donc, allez-y avec cette pensée-là. Et aussi, vous pouvez commander les salades. Vous pouvez commander la vinaigrette à part parce qu'ils ont souvent l'habitude d'être très généreux en sauce du côté de Subway. Alors, ça va vous épargner de vous retrouver, par exemple, avec une sauce sud-ouest à la salade et non pas de la salade avec un petit peu de sauce sud-ouest. C'est vraiment ça que vous devez garder en tête. Ou sinon, vous pouvez lui dire tout simplement « Mets-en pas trop, s'il te plaît ». Parce que je sais pas pourquoi, mais ils ont tendance à mettre la moitié du bol de sauce à salade dans la salade ou votre sandwich au grand complet. Moi, j'en suis très reconnaissant, mais... Mais c'est que c'est pas meilleur pour les artères du cœur, ouais, Mathieu. Je sais. Parfois, on peut croiser des tailles express sur la route au Québec si jamais vous êtes chanceux. Il y en a qui se situent quand même assez près des autoroutes. Il y en a deux juste à côté de nous, ici. Exactement. Donc, au lieu d'un général Tao ou d'un pas de taille, mais vous pouvez prendre deux rouleaux de printemps à tremper dans une petite sauce. Ça peut faire une certaine collation. Une petite sauce aux arachides comme accompagnement, par exemple, à une salade à la mangue. Ils ont cette option-là chez Thaï Express. Sachez-le, il y a des salades chez Thaï Express. Ouais. Et il y a aussi les soupes. Tout à l'heure, on parlait du Tim Hortons, mais une grosse soupe du Thaï Express sont bonnes. Ah oui? Et souvent, elles vont être moins grandes en termes de sodium. Donc, on va avoir une moins grande quantité en sodium. Ah, tu me donnes envie, là. Mmh. Et du côté des snacks, tu sais, les petites collations, là, justement, bien, pensez-y avant de partir. Tu vas pas au dépanneur. Ben, vous faites aller au dépanneur si ça vous intéresse. Mais si on arrive au dépanneur, puis là, on est devant l'allée des chips. On se pose la question, quel chip je prends? Si, mettons, t'as pas le choix de prendre... Faut que ce soit des chips. Ben oui, parce que t'as le goût de prendre des chips, là. Mais sachez qu'il y a des chips aux légumes qui sont faits à base de betteraves, patates douces, panais. Il y en a qui sont faits à base de légumes et sont vraiment bonnes. Et on vous le dit, regardez le sodium, mais souvent, ça va être la meilleure option que, par exemple, les Doritos. Ben oui. Donc, de ce côté-là, il faut y aller comme ça. Si on parle de craving de chocolat, par exemple, allez-y avec une petite barre de chocolat noir avec un très haut pourcentage. Comme ça, ça va être beaucoup plus simple pour vous d'affaiblir ce craving de chocolat-là. Et votre corps va vous remercier aussi. Ça va peut-être vous donner un petit boost aussi, comme si vous aviez un café. Sachez-le, parce que c'est quand même un haut pourcentage de cacao. Et sinon, bien, regardez les barres. Que ce soit des barres énergétiques ou que ce soit des barres avec des noix ou quoi que ce soit, c'est souvent ce que vous allez devoir manger sur la route. Ça se mange bien en conduisant. C'est pas trop lourd pour l'estomac. Et c'est sûr que si vous aviez des fruits et des noix à l'intérieur, bien, ça va être un bon compromis là, pour une collation. Il y a une nouvelle qui est sortie récemment et qui fait le bonheur de plusieurs personnes, je le sens. Il y a un nouveau resto de service rapide au volant qui débarque au Québec et c'est un resto santé. Hein? Donc, on ne parle plus de fast food, mais on parle de fast good. En fait, pour ceux qui adorent la bouffe, c'est assez difficile de pouvoir manger sur la route souvent parce que, comme on le disait tout à l'heure, les options santé sont pas tout le temps ces menus. C'est pas souvent très, très clair. Manger de la bonne bouffe de santé, parfois, c'est difficile. Et d'un autre côté, bien, on s'entend que dès qu'il est question de partir en road trip, on prend toujours la mauvaise option là, dans les restos. Donc, si on regarde ça comme ça, Planté, P-L-A-N-T-E, OK. C'est le premier resto de service au volant santé au Québec. Ça a fait son entrée. C'est un service au volant qui va servir des burgers végés, des smoothies, des collations santé. Et on vit le grand bonheur. On a beaucoup trop hâte, en fait, de voir ça arriver sur les routes du Québec. Si vous allez sur Instagram, ça va être possible pour vous de suivre qu'est-ce qu'ils font. Et surtout, ça va être la façon de pouvoir les faire venir dans vos villes. OK? Sachez-les, ça fonctionne en fait avec les suivis Instagram. Ah. Je ne sais pas pourquoi, mais l'aventure est prévue pour 2018. Et si vous voulez les encourager, bien allez sur Instagram, suivez-les. Et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir justement démontrer qu'il y a un grand nombre de personnes qui ont besoin d'un nouveau fast-food style santé. Et on se peut plus. Il y a un site internet si ça vous intéresse. Allez voir ça. C'est plantefastgood.com. Donc, P-L-A-N-T-E, fast, F-A-S-T, good.com. Et c'est merveilleux, ça vous décrit en fait l'idée qu'il y a eu derrière tout ça. Où est-ce qu'ils vont être implantés? C'est sûr que ça va être pas mal plus du côté de Montréal et les environs lorsque ça va arriver. Au début, ouais. Mais 2018, ça arrive. On a hâte. On a très, très hâte. J'ai hâte d'essayer ça. Je vous jure que je vais l'essayer. Ah oui. Je vais vous en reparler. On essaiera ça live à radio. Si jamais ça vous intéresse d'aller voir ça sur Internet, je mets le lien sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Génial. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Tania Escona, Entertainia, tous les matins à Assemblage Requis. Au retour, ça va être au tour de David Ferron et la chronique du Zone Campus. Qu'est-ce qui s'en vient tantôt, David? Bonjour. Allô. Bon matin. Comment ça va? Ça va bien. Très bien. Oui. Excellent, j'ai juste le goût de manger une poutine. Bon. Je m'excuse, Tania. C'est correct. Tes intentions étaient bonnes, par contre. Oui, j'en doute pas. Mais qu'est-ce qui s'en vient tantôt? Donc, qu'est-ce qui s'en vient? Bien, plein de trucs au sport, parce que la fin de semaine dernière, même s'il n'y a pas eu de soccer, il s'est passé plein de trucs. Mm-hmm. La mise à jour du blog. Oui. Parce qu'on a mis plein d'articles hier. Oui. Puis aussi ce qui s'est passé en or aussi, en actualité un peu. Super, on en parle au retour de la pause avec David Ferron. Merci, à tantôt. Bienvenue. Toujours à Assemblage Requis, accompagné de Mathieu Plante. Et de Tania Baudin. Il y a aussi David Ferron en studio avec nous. Oui, bon, ça s'en vient. Il nous a déjà dit bonjour, fait qu'on n'a pas exactement besoin de dire bonjour tantôt. Non. Bonjour. Désolé. Bonjour. Évidemment. David Ferron qui va nous parler du Zone Campus dans quelques instants. Est-ce que tu es prêt, David? Oui. T'es toujours prêt, toi. Mm-hmm. Ma souris arrête pas de se faire capturer comme si c'était un otage. Ah, ouais. Ben voyons, ça va pas bien. Ça va pas bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a virtualisé l'ordinateur? Je pense que c'est ça. Donc voici la chronique du journal Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. David Ferron, rédacteur en chef du journal Zone Campus, qui est avec nous ce matin, comme à chaque semaine. Bonjour. Bonjour officiellement. Donc, de quoi est-ce qu'on parle cette semaine, étant donné que le journal sort seulement une fois par mois? On fait un petit peu le tour de l'actualité, de ce qui se passe sur le blog. Mais il se passe rien. Il se passe absolument rien. Il se passe rien. Merci, David. Bonne journée. Ben, bye. Bonne journée. Je m'en vais manger ma poutine. Oh, tu déjeunes. Les poutines déjeuner, qu'est-ce que t'en penses, les poutines déjeuner? En fait, pareil, je sais pas ce que Tania t'en pense, mais il paraît que c'est mieux de manger gras le matin puis santé le soir. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Je pense que c'est vrai, en fait. Selon le guide alimentaire canadien, mais pas gras, mais d'avoir un gros déjeuner puis avoir un plus petit souper, c'est la façon qu'on devrait faire les choses. Mm-hmm. Chose note, que David. Les Québécois ne font pas du tout. C'est sûr que David, s'il prend 5 repas dans sa journée, il va falloir que tu relativises un petit peu tout ça. Ouais. C'est bon. Mais en fait, je suis venu vous nourrir du Zone Campus. Ah, nous nourrir d'informations. Oui. C'est fun. On est tellement... on a beaucoup d'appétit pour ça, David. Ben, tant mieux. Alors, j'espère pouvoir bien vous combler. Merci. Donc, d'abord, qu'est-ce qui se passe au Zone Campus? Évidemment, il n'y a pas de sortie papier avant le 7 novembre. Oui. Mais par contre, le blog est très, très actif. Chance, même que là, tout pense. Ce qui était sur le papier est rendu dans le blog. Tout, tous les articles. Oui. En plus d'avoir des exclusifs au blog, oui. Il y a maintenant les articles de la version papier pour ceux qui veulent les partager sur Facebook. C'est fou, hein? Malade. On aime ça. Donc, ce qui se passe en actualité, évidemment, étant donné qu'on a mis ce qui était sur papier désormais sur le blog, on peut voir les reportages sur les parents étudiants. Mm-hmm. Donc, le reportage de Magali Boisvert également aussi, et Luc Terre avec la communauté LGBTQ2+. Etc., ouais. Mm-hmm. Oui, exactement. Donc, conçu par Chloé Rousseau. Donc, le portrait là-dessus. Il y a également le show de Mike Ward en art et spectacle aussi. Ça, c'est quelques exemples de ce qu'on retrouve dans le papier qui se retrouve dans le blog. C'est beau. En plus, le Zone Lab aussi a sa propre, son petit onglet ben oui. En haut de la page parce que c'est une section qui va, disons, être développée assez rapidement avec pas mal de petits tests que le Zone Campus prévoit faire dans les prochaines semaines. Oui, puis on négocie même quelque chose avec de la bouffe, Mathieu. Ah, arrête donc. Parle-nous un petit peu, voir. Ben, en fait... Sans voler le punch. C'est qu'on veut essayer de faire quelque chose de maison. OK. On ne sait pas encore si ça va être officiel ou pas, mais une petite collaboration entre Ensablage Requis et Zone Campus. Ah, que c'est beau ça! Ben oui! Eh ben, j'ai bien hâte de voir ça. Eh oui, donc là-dessus, c'est plein de surprises. Là, ce qui se retrouve pour l'instant, ça a été le premier Zone Lab. Le Zone Lab, ouais. C'est très simple, c'est qu'on fait vivre, on fait faire vivre des expériences aux journalistes. Mm-hmm. Donc là. Comme des bêtes de cirque. Mais non, au contraire. Des cochons d'Inde. C'est qu'au lieu d'être juste la personne qui rapporte ce qui se passe, elle le vit. Oui, exactement. Donc, c'est le but d'être l'acteur et l'actrice. C'est ça. Donc, Caroline et Étienne ont essayé les bicyclettes qui sont à l'entrée du pavillon de la santé. Mm-hmm. Donc, ils ont essayé ça, ils ont livré leur impression. Et là, Caroline se rend avec Marianne pour faire le parcours de peur. Ah. Donc, ça se peut que j'aille deux crises cardiaques dans l'équipe. Il va falloir que tu écrives tous les articles toi-même. Oh, non, s'il vous plaît. Et Marie, la chef de pupitre. Oui, d'ailleurs, Marie. Vous pouvez retrouver son mot dans le blog. Oui. Et ça explique justement si vous trouvez que le Zone Campus a beaucoup changé la manière de livrer l'information. Eh bien, Marie vous explique tout ça dans le blog. Oui. Et ce qui se passe aussi en arrêt spectacle, c'est qu'il y a eu le A Festival et le Festival international de poésie, les deux événements se tenant parallèlement comme à chaque année. Mm-hmm. Donc, pour le festival de la poésie, Marianne Chartier-Boulanger, celle qui risque de mourir d'une crise cardiaque. Oui! Donc, non, on lui souhaite pas ça. Donc, elle est allée... en fait, à l'atelier Presse-Papier, c'était une joute d'improvisation créative ayant pour thème les années 80. Mm-hmm. Donc, comment ça consistait, c'est que c'était des artistes en art visuel et des poètes qui devaient improviser à travers le thème des années 80. Et pendant ce temps-là, il y avait une machine, je me rappelle plus le nom, c'est comme une espèce de... Dans les tourne-disques, il y a l'aiguille. Ouais. Mais au lieu que ça soit un disque, c'est un papier. Ah, c'est un oscilloscope, je crois. C'est ça? Non, même pas. Ça commence par un S, mais en bref. Spectroscope. Oui, exactement. Un spectroscope. Puis c'est ça, ouais. Oui, exactement. Qui fait des dessins pendant ce temps-là. Mm-hmm, cool. Donc, ça a l'air d'être excellent. Et pour le OFF Festival. Donc, c'était une table ronde avec trois auteurs qui sont Amélie Panton, Stéphane Larue et Erika Soucy. Erika Soucy qui est également cofondatrice du festival. Okay. Les trois auteurs sont allés à l'Exèdre dimanche pour parler de leur œuvre, mais surtout du jeu. Donc, comme auteur, est-ce qu'on doit s'auto-censurer? Est-ce que toute la vérité est bonne à dire? Bref, c'est une discussion qui est animée par... Audrey Martel, qui est copropriétaire de l'Exèdre, et c'est rapporté, en fait, l'événement par Marc-André Arsenault. Cool. Aussi, au sport, c'est beaucoup, beaucoup passé de choses. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Beaucoup. Ça a été, même si le soccer n'y a pas eu de match la semaine dernière, il y a eu quand même le tournoi de golf qui a eu lieu du 1er au 3 octobre. Donc, dernier, c'est le tournoi provincial, donc la saison de golf qui est pas très longue est terminée. Ça a eu lieu à Pointe-Claire. Et malheureusement, au golf, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a un vétéran et tout le reste de l'équipe sont des recrues. Ah. Donc, et en plus, le vétéran part, c'était sa retraite, si on peut dire ça comme ça. Donc, l'année prochaine, ça va être une toute nouvelle équipe au golf, ou presque. Ça va être à rebâtir. Oui, comme on dit, on peut voir aussi, ça se peut que... Mais les recrues ont l'air prometteurs. Mmh. À voir. Donc, il y a aussi le badminton, c'était le début de la saison de badminton. Donc, ça n'a pas été des grosses victoires, mais peu à peu, l'équipe a l'air à se bâtir. Il y a l'air d'avoir de l'espoir aussi au niveau du badminton. Il faut vivre d'espoir. Mais ça fait plus longtemps que le badminton est revenu au sein des Patriotes. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que c'est une équipe à bâtir aussi, mais déjà le fait de faire partie du RESEC, qui est le réseau sport étudiant. Excuse-moi, je ne savais pas qu'on pouvait utiliser le mot RESEC. Je pensais qu'il fallait dire RSEQ. Ouais, RSEQ. Le RESEC. Ah, je savais pas, moi non plus. Non, c'est peut-être moi qui a le terme qui dit ça comme ça, mais on va dire RSEQ, juste pour être sûr. Ouais. RSEQ, donc, qui est Réseau Sport étudiant du Québec. Mm-hmm. Donc, déjà, de faire partie de cette ligue-là, c'est quand même très bon aussi, parce que le niveau est très relevé quand t'es rendu au niveau universitaire. C'est ça. Il y a aussi le cross-country. Mm-hmm. Il y a quatre athlètes qui se sont rendus dans le top 40 de chacun de leurs divisions, c'est-à-dire masculine et féminine. Mm-hmm. Donc, il y a Marc-Antoine Senneville, qui est le chef, qui est le capitaine d'équipe de cross-country, qui est 15e au provincial lors du dernier tournoi qui a eu lieu à Québec sur les plaines. Mm-hmm. Donc, samedi dernier également, Charlotte Bernier et Chloé Gervais-Pépin et Nicolas Gilbert qui sont dans le top 40 des coureurs. Durant la course. Il faut dire aussi que la course, c'était pas juste québécois. En fait, c'est comme... pas un à peine, mais il y avait des universités de l'Ontario et allant même jusqu'en Nouvelle-Écosse. Mm-hmm. Donc, il y a le classement quand même québécois qui est considéré aussi dans le réseau des sports études Québec. Mais aussi, ce qui est bien, par contre, ce qui est plate, c'est que Pénélope Gaudreau, qui est une recrue très prometteur, elle s'est blessée et j'ai appris ça, la luxe. La luxe, c'est le gros orteil. Ah, ah oui, pour vrai. Oui, ça s'appelle la luxe. Elle s'est blessée là, donc c'est sûr que quand tu cours, t'as le gros orteil blessé, pas très pratique. Est-ce que tu peux avoir une luxure au luxe? Oh! Une luxure de luxe au luxe? Oui, ça, ça doit faire mal. Ça doit être assez puissant comme douleur. Oui, donc c'est pas mal ça. Donc, au hockey, les Patriots ont perdu leur premier match. Bon, ça va. De la saison régulière, 3-0 contre les Redmen de McGill. Point, point, point. Peut-être que l'équipe va prendre sa revanche vendredi. Peut-être. Alors que ça va être le premier match de la saison régulière à Trois-Rivières. Oui, on surveille ça. Oui, on espère. On se croise les doigts, mais il y a beaucoup de recrues aussi. C'est oui, comme c'est une année de recrues. Là aussi, ouais. Ouais, c'est une année de recrues, je pense. Mais soccer féminin, c'est à surveiller. Natation aussi. Et cheerleading, natation, ils n'ont pas encore commencé la saison. Donc, à surveiller aussi. Absolument. Donc, qu'est-ce qui se passe ici au niveau de l'actualité? Donc, il y a eu la campagne « Sans oui, c'est non » qui est organisée par Groupe d'Action Femmes en collaboration avec LAST, qui est le syndicat étudiant. Mm-hmm. Ben, les travailleurs étudiants, en fait. Oui. Donc, il y a également aussi service aux étudiants et la GEQTR qui est impliquée là-dedans aussi. Donc, toute la semaine, il y a eu des activités de sensibilisation. Il y a même, en fait, il y a un terme francophone pour le YWCA. C'est le Y des femmes. Oui, oui, ça, c'est les centres d'entraînement, c'est ça? Oui, ah, le YMCA. YMCA, oui. Ben, entre autres, mais ils offrent des services communautaires aussi. Donc, c'est pas juste... En fait, le gym... C'est un des services. Okay. En fait, les Grecs des femmes sont venus est venu la semaine dernière offrir un atelier de sensibilisation. Mm-hmm. Lors du sans oui c'est non. Ici, mais on n'a pas de YMCA à Trois-Rivières. Non, c'est qu'ils sont venus à l'UQTR. OK. Oui, parce que c'était la cause sans oui c'est non. On se rappelle, c'est la notion de consentement, mm-hmm. donc la promotion du consentement sexuel. Ouais. Mm-hmm. Donc c'est pas quand c'est pas oui, quand c'est pas non, c'est oui, c'est le contraire. C'est ça, exactement. Non, mais c'est vrai. Mais les gens pensent que c'est le contraire. Oui, on sait le Donald Trump et Harvey Weinstein. C'est exactement ça, oui. Nos deux champions. Champions, ouais. Oui. Champions de la connerie, mais bon, bref, c'était ma trêve éditoriale. Oui, c'est ça, on n'a pas déjà assez fait l'émission aujourd'hui. Exactement. On peut s'en permettre. Ça fut une journée remplie de Donald Trump. Ah oui, j'ai vu ça, le rap. Le rap. Ouais. D'ailleurs, j'ai eu le goût de manger un rap. C'est vrai, hein? C'est chez Tim Hortons. Qu'est-ce que c'est? Fallait être là pour la prochaine chronique. Oui. Ouais. Donc, c'est pas mal tout du niveau... en matière de zone campus, j'allais dire au niveau zone campus, mais il faut dire en matière sur le plan de... Parce qu'au niveau, c'est par rapport à un événement. Toi et la langue française, là. Je le sais, c'est pas ma force. Les règles de la langue française. Merci beaucoup, David. On va suivre le blog zonecampus.ca, oui. La page Facebook zonecampus, ah oui. Le journal papier qui est là jusqu'au 6 novembre, le prochain 7 novembre. Oui, le mardi, dans quelques semaines. Quelques semaines déjà, à peine, oui. Vite. Merci, David. On se retrouve la semaine prochaine, toujours oui. Les mercredis matins à 8h30 à l'émission. Merci. On s'écoute une pièce de Rosie Vallant, je crois, oui. à moins qu'on parle d'Eminem, là, c'est la seule non, pièce non. qu'on a jouée aujourd'hui, officiellement. Eminem, on l'a joué comme à moitié. Oui. Donc, on écoute ces pièces. Synchro. Synchro. Tout de suite, assemblage requis. synchro de Rosie Vallant au 89.1 FM ce matin. C'était Assemblage Requis. Au retour de la pause, on parle d'improvisation avec Gabriel Béhout dans les coulisses de la Luitre. Ouh là là! Oui. Assemblage Requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage Requis. C'est fou! 89.1. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Allô? Ah, t'aimes ça, cette intro-là, hein? Oui, c'est ma préférée. Gabriel Béhoud, qui est avec nous pour la suite d'Assemblage Requis avec Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Ce mercredi matin, 11 octobre, si vous êtes en train de prendre votre gorgée de café, hein, oui? Sachez qu'on va étirer les syllabes jusqu'à temps que vous ayez fini pour qu'on puisse continuer après ça à parler. T'sais. On va tout le temps attendre la prochaine fois que les gens prennent une gorgée. T'sais. Mm-hmm. Comme là, ils prennent. C'est fait. Et là, c'est correct. T'sais. Voilà. On est là pour vous. Ouais, on est là pour une émission de service. C'est exactement ça. Donc, Gabriel Béhoud qui est là pour parler d'improvisation avec nous. Voici dans les coulisses de la Luitre. Tania commence à embarquer dans le principe de chanter sur l'intro. Juste celle-là. Ouais. Je sais pas pourquoi. Et bonne. C'est une bonne intro. Et voilà. Donc, Gabriel Béhoud, joueur de la Luitre, capitaine des Rouges. Oui, monsieur. T'es là aujourd'hui, même si vraiment on n'a pas de match d'impro à résumer, parce que lundi, on n'avait pas sélection de grâce. Non, c'est ça, exact. Les joueurs ont tous... C'était congé. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les joueurs de la Luitre? Ah, pour plusieurs, je crois qu'ils ont vraiment là, relaxé. Ah, ouais! Oui, ils se sont fait demander par familles et amis, « Hey, fais-nous donc un petit sketch, là. » Ça, là, ça doit être tellement stressant. Fais-nous un sketch. Tu peux pas faire ça sur demande. Non. Pas devant ta famille. Non, surtout ils vont, pas. Ils vont te juger. Exact. Devant une foule, ça va, parce que t'es connais pas. C'est ça. C'est ça. Ou comme dans ton cas, tu les connais, mais tu les insultes en nom, mettons, comme t'as fait il y a quelques semaines. Avec les filles qui t'approchent tout le temps à la chasse-galerie. Eh hey, non. Alors, si on revient pas là-dessus. Faut retourner dans les archives pour savoir de quoi oui, on parle. Oui, puis retournez-y pas. Ne retournez pas voir les insultes contre l'apparence de ces jeux de filles. Non. On met la main sur la table. Bing. Bing bang. À la place, on va parler de ce qui s'en vient dans le futur. Oui. Avec la boule de cristal qui est ta feuille de route. Exactement. J'ai l'horaire des matchs qui s'en viennent. Par exemple, la semaine prochaine, c'est semaine régulière. Donc, nous avons un match d'impro le lundi soir à 20h à la Chasse-Galerie. Et c'est gratuit. C'est le retour à la normale. Donc, les lundis à 20h. Après ça, pour un petit bout de temps jusqu'à... Oui, exact. Ben, en fait, on a une autre pause la semaine suivante puisqu'il s'agit de la semaine de travaux d'études. Mm-hmm. Si seulement j'avais cet horaire-là, moi aussi, j'aurais pu dire ça d'avance. Ouais, non. La semaine de travaux et d'études, comme ils l'ont appelé, la semaine relâche. Mais la semaine prochaine, lundi le 16, nous aurons le match qui opposera les Oranges d'Alexandrine Pichessire au bleu de Magali Bousseau-Arcan. Oh, les deux capitaines féminines qui s'affrontent. Oui, exact. Ça va être une équipe, ça va être un match tout femme. Absolument. Oui, donc nous vous invitons à porter le ruban du cancer du sein. OK, oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai? Oui. Oui? Oh, oui. C'est décidé depuis ce matin. Ah oui? Okay. Et puis, ce match-là devrait être haut en couleur puisque ces deux équipes-là, ces deux formations-là, en sont à leur premier match régulier. Oh. C'est sûr, depuis le début de la saison, là, on a quelques... Un petit demi-match. Exact. On a des matchs par intermittence puisqu'il y a beaucoup de distraction, c'est-à-dire on a commencé avec le match des capitaines, ensuite on a eu le camp de recrutement, le match showcase. Le match showcase, on vous montrait là, en fait, les formations complètes de chacune des équipes. Une petite démonstration, si on veut. Exact. Pour finalement, le 2 octobre, ce qui nous semble excessivement loin. Ouais, en tout cas, c'était dans ma mémoire, il y a deux semaines et demie. C'était le premier match régulier de la saison de la lutte 2017-2018 qui opposait les Rouges aux Verts, que les Rouges ont remporté en bris d'égalité. Ton équipe, c'est les Rouges. Oui, exact. Faut dire. Ouais, on a remporté ça en bris d'égalité. Ouais, pour se vanter. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est le cas. C'est le cas. Il faut le dire. Disons-le. Et puis, cette semaine, c'est à congé, comme on vient de dire, pour reprendre la semaine prochaine. Et après ça, reprendre un autre congé. Ça commence mollo, là. L'automne est très mollo. C'est ça, c'est correct comme ça aussi. Oui, moi aussi, j'aime ça. Ben oui. On va avoir un restant d'automne assez chargé. Puis c'est par la suite, il y a match à toutes les semaines jusqu'au 11 décembre. Mm-hmm. Match régulier pour tous? Oui. Il devrait avoir d'ailleurs un match spécial qui se jouerait le 9 novembre. Okay. Je suis pas encore au courant, par contre, là, des modalités du match. C'est ça. Ça devrait commencer à... Ben, tu sais, il était supposé en avoir un demain aussi. Oui, mais... Là, je pense qu'il n'y en aura pas. Hein, non, je ne crois pas. Non. Ça fait souvent ça, en fait, là, dans une saison de la lutte. Oui. Quelques aléas qui font... On n'a pas les matchs spéciaux qui sont prévus à l'horaire. Exact. D'ailleurs, on travaille sur. Je m'inclus pas là-dedans. On travaille la l'huître sur un nouveau site web qui s'en vient. Oui. Donc, toujours uqtr.ca/impro. Oui. J'ai vu un petit avant-goût passer sur Internet, puis ça a l'air pas mal beau, cette histoire-là. Ah, fait qu'on surveille ça pour voir un calendrier à jour, j'imagine, d'ici les prochaines semaines. Une feuille de pointage aussi. Aussi. Des biographies de joueurs aussi. Oui, oui. Des commanditaires et tout. Oui, oui, ça devrait être assez intéressant. Pas mal de stock sur ce site-là. Hein. Ça va être mis à jour très bien. Oui, parce que c'est plus hébergé par le site web de l'UQTR. Ah, ils vont changer d'adresse, je savais pas ça. Non, c'est ça. Je crois qu'avant, c'était hébergé, là, uqtr.ca/impro. Ouais. Je crois que ce n'est plus le cas. Ah, oh! Donc, ce sera un nouveau site web. On s'en reparlera lorsqu'il sera en ligne. Aussitôt qu'il sera en ligne, on va vous en parler. Oui. J'ai bien hâte, justement, de reprendre l'impro, là. Oui. Parce que, par intermittence, comme ça, c'est cool puisqu'on a des lundis soirs de off. Mm-hmm. Par contre, le lundi soir, c'est vraiment le fun. C'est un rendez-vous à ne pas manquer, l'improvisation, autant pour les joueurs que pour le public, je crois. Ouais. On se crée un rendez-vous là, hebdomadaire tous les lundis. Exactement. Et puis, ben là, c'est ça. Cette semaine, on avait une pause pour les gens qui sont en mi-session. Et voilà. Ah, donc, c'est à surveiller lundi prochain, 16 octobre, 20h, pour le prochain match d'impro. Maintenant qu'on a parlé de ça, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui en disant n'importe quoi comme on le fait tout le temps? Eh bien, qu'est-ce que vous avez fait de votre long congé, Mathieu? Ah, le long congé, je l'ai passé à dormir, récupérer du sommeil. T'as dormi, toi? J'ai dormi beaucoup. T'es chanceux? Ouais. Toi, tu travaillais, j'imagine? Non, mais j'ai pas tant dormi. Mais j'ai tellement binge-watché, là. Ah ouais. Qu'est-ce que t'as écouté? Flash. Oh, la série avec sur Patricia le... Paquin. Ouais, c'est Dumas. Ça. Oui, oui. Herbie Moreau. Herbie Moreau. Alain Dumas vient de Sorel Tracy, by the way. Es-tu sérieux? La fierté, le fleuron sorellois. Le fleuron. Il était de passage à Trois-Rivières, d'ailleurs, vendredi soir. Ouais. Fait là. Il a animé le match d'ouverture des Draveurs. Bon. Ah, mais félicitations. Ouais. Qui jouait contre les Éperviers de Sorel Tracy? Oui, madame. Et je crois que oui. Ouais, c'est pour ouais. ça qu'ils l'ont invité. Il y avait du monde de Sorel dans peut-être, la place. Ouais. Je pense que c'est ça, Gab. Ouais, je sais. J'y étais, mais je me souviens plus de l'équipe qu'on a joué. C'est merveilleux. Mais moi, j'ai écouté Flash de DC Comics, en fait. Mm-hmm. Là, pas Flash des années 90. Flash de QS, là. C'est excellent. C'est excellent. Ouais. C'est bon? Oh, ouais, c'est très bon. Moi, je suis un peu tanné des reboots et puis des séries. Mais c'est parce que ce qui m'énerve, là, c'est qu'il faut que tu regardes toutes. Ouais, parce qu'il y a des il y a des crossovers. Ouais, il y a des mêlages. Ouais. Mêlés, ouais. Tu sais, je sais là, que Flash, là, il s'est fait découvrir dans Arrow. Là. Mais j'ai pas besoin de regarder Arrow pour devoir suivre Flash. Ah, t'auras peut-être pas le choix. Ah, mais t'auras pas le choix, c'est ça. Mais ça suit bien pareil. OK. On voit qu'ils viennent d'Arrow, mettons, qu'ils sont dans l'épisode. Là. Ouais. Gabriel, si tu te posais la question, c'est que t'as fait quelque chose d'intéressant, toi? Ouais. Ah, pas du tout. Pas du tout? T'as fait comme moi, dormir. Ouais, ça ressemblait pas mal à ça. C'est le fun, ça. Dormir et travailler. Ouais. Ouais, moi aussi, j'ai jamais, je pense, autant passé de temps à créer du contenu pour l'émission. Ouais, c'est ça la fin. Depuis les dernières semaines. Qu'est-ce que tu fais en particulier? Je cherche du matériel pour les chroniques. D'accord. D'accord. Tu sais, quand j'en accumule beaucoup trop, ouais, de la recherche. On est toujours en recherche. C'est bon, ça qui arrive en tant qu'animateur. Mais oui. Et faire sa propre recherche. Ben, c'est cool. On n'est pas très divertissant quand on dit ça. Hein? De? Qu'on prépare l'émission quand on est chez nous. Ben, qu'est-ce que tu veux, c'est vrai? Ben oui. On ouvrir un poste de recherchiste, moi le faire, moi, ça. Non, mais bon. Facile. Assis-toi, là. Facile. Facile. Facile. Quand tu fais juste ça, peut-être, oui. Ouais. J'avoue. Non, mais il y a vraiment. T'imagines, il y a des gens qui sont payés juste pour faire de la recherche. Ça, ouais, c'est un travail. C'est parce que c'est un travail de temps plein. Ouais. Non, exact. Ouais, ils sont payés en plus pour faire ça. Ouais, c'est ça. Incroyable. Mais ils ont pas le mérite de leur propre travail. Non, ils sont jamais mentionnés en nombre. Pour vrai, j'ai travaillé ailleurs pendant l'été. On se rappelle que je le mentionne tout le temps sans dire où. Il remercie le technicien, la mise en onde, de nom. Il me remercie avec mon nom. Ouais. Mais tous les autres travaillent à création de contenu, recherche, site web, faire les téléphones. Rien non. Des menus travaux. Travaux, c'est okay. Comme un stage. Pourtant, c'est la recherche. La recherchiste, c'est vraiment elle qui va venir remplir ton émission. C'est ça, t'as 3 heures à remplir. Si t'as pas de recherchiste, t'auras pas de 3 heures de contenu, tu sais. Non, c'est ça. J'ai vu une fois quelqu'un remercier sa recherchiste. Ah oui? Ouais. C'est parce qu'ils ont rien d'autre à dire à ce moment-là. Probablement. Le matin, en tout cas, à Radio-Can, ils remercient. La fin de semaine. Ah, la fin de semaine. Oui. Ouais, c'est ça. Les émissions locales font pas ça. Non, c'est ça. Exactement. Non, c'est ça, nous. Subtil, quand même, comme elle dit. C'est super subtil, on a adoré ça. Merci. Il remercie là, la fin de semaine. C'est ça. Ouais. Cool! Mais c'est un travail ingrat, hein? Oui, vraiment. Travailler dans l'ombre pour quelqu'un d'autre, malgré le fait que c'est toi qui l'as fait. Ouais. Ben, je savais pas quoi. Je pense que j'ai un petit peu trop d'orgueil pour pouvoir faire ça dans la vie. Le générique est sur leur site web, au moins, quand même. Ouais. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Mais t'es à dire, sinon? Je m'en vais m'occuper d'enfants de première année, moi, c'est après-midi. Oula! As-tu hâte ou t'as peur? Ben, c'est comme un sentiment mitigé. Ouais? Des petits papillons. Oui, ouais, exact. C'est beaucoup plus stressant, je trouve, que d'aller au secondaire. Ah ouais. Première année, tu peux les dresser. Ouais. Les mettre à ta main. C'est ça. Mais première année, tu peux avoir à gérer des crises, ma foi, particulières. Aussi, il y en a un qui peut se faire pipi dessus. Là, elle m'a fait des grimaces. Ah. Ouais. Ben oui, mais fais-y en toi aussi. Hein, c'est ça. Mais dis-leur pas de se frapper si quelqu'un. Non, non. Tout, non. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils doivent encore faire, ça, au primaire, de devoir lever la main pour aller à la salle de bain? Ils viennent te voir. Ouais. Non, la salle de bain vient à eux maintenant. Non, mais est-ce que vous dites oui? Tu sais, moi, j'avais des profs qui disaient non. Ouais, moi aussi, j'ai eu des profs qui disaient non, mais. Hey, ça te crée des problèmes, là, ça, dans le futur. Là. C'est l'appel de la nature, là. Tu veux dire, des problèmes dans la. Tu veux dire, ta vessie a des problèmes à cause que tu t'es retenu. Pour vrai? Ouais. Raconte-moi. Ouais, j'ai développé 3 scolioses. 3 scolioses, moi, à cause que je me retenais. Je c'est ça, exactement. Tu tortillais, là, comme ça. Non. Tortillon, ça me rappelle le fromage salé ça, tortillon. C'est ah oui, bon. C'est ça, bon. C'est bon. Mais pas barbecue. Moi, j'aime bien. Non, non, pas barbecue. Jalapeno. Jalapeno. Jalapeno, là. C'est ah ouais? Oh, que c'est bon. C'est vrai. Est-ce que tu veux jouer au ballon chasseur avec tes élèves de première année? Non, mais ça serait comme inviter Wayne Gretzky à une game de Pee-wee. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je me disais. Mais ça serait drôle, par exemple, parce qu'il pourrait revoler avec le ballon. Ouais, comme dans le film Billy Madison. c'est drôle, ce bout-là. Mais ça, il n'y a pas de chien qui joue à des sports. Fait que non, exact. Tu veux leur enseigner quoi? L'histoire? Aucune idée. Non. Ah, c'est quoi général? Freestyle, là. Ben, c'est. Remplacement. Du remplacement, donc. Du remplacement libre. Je vais le savoir tout à l'heure, là. Ah, fait que tu vas aller chercher la TV sur le rack. Ben, c'est ça, j'essaie de me remémorer. Qu'est-ce qu'on fait, donc, en première année? Puis là, j'ai. On écoute des films. Hier soir, j'ai eu le flash légèrement angoissant que. Bon sang, ils apprennent à lire et faire... Et à écrire. Ouais, des... Mais tu sais les réactions. Ben oui, mais... Ouais. T'es enseigné l'écriture. Moi, ça faisait pas partie de mon cursus. T'écris pas très bien à la main, en fait. Un A en lettres attachées, là. Ouais. Va falloir que tu la rappelles. En deuxième année, les... Ah, c'est vrai. Que... Hey, tu retiens toutes ces affaires-là, toi? Je me rappelle pas de qu'est-ce que j'ai appris. Ouais, c'est en deuxième année, les lettres attachées. Wow. Ils ont comme un cahier, là, avec la lettre en petit pointillé, je pense. Hein? Oui, exact. Ouais. Ils doivent faire la lettre en attaché. C'est quoi déjà le cahier qui nous apprenait à lire et à écrire? Il y avait comme un raton laveur dessus. Aviez-vous nous, ça? C'était Allopolis. Allopolis? Allopolis, Photopolis. Oh mon Dieu! T'avais un bon prof, hein? C'est... Oui. Ton prof, c'est ton modèle, finalement. Oui, exact. C'était un ex-détenu. Ton père! Oh boy! Hey, parlant des détenus, on n'a pas eu de nouvelles de nos auditeurs en prison. Ouais. C'est vrai? Hey, j'ai assez hâte d'entendre... un témoignage. De recevoir un témoignage. En tout cas, la chronique d'impro, ça me fait oublier que je t'oublie. Voyons, ça me fait oublier que je t'en dedans. Tellement, hein? On vous attend, les appels 819-376-5183. Ouais. On prend le 5e appel. Mais on prend pas les appels à Frémiré, par contre. Non, c'est ça. Non, s'il vous plaît. De Tyler Jones. Tyler Jones. C'est un nom de, je sais pas, c'est un nom de prisonnier. Ça fait prisonnier. Mais moi, je trouve que Jimmy, ça fait particulièrement. Jimmy, ça fait, parce qu'on a un chroniqueur, Jimmy Thibodeau. Tu trouves pas que le prénom Jimmy, des fois, moi, je trouve que ça fait un petit peu prisonnier. C'est oui, comme un prénom. Vrai. Les ben, des prénoms courts en général. Oui. Hein, Carl. Carl, quatre charrets. Oui. Ou du criminel. Non, non, c'est vrai que ça fait des noms ouais. légèrement criminels. Tu sais, Gabriel, tu t'attendrais pas à ce qu'il commette des crimes. Non. Et pourtant. Et pourtant. Et pourtant. Si t'avais à commettre un crime, tu commettrais quoi? Mon Dieu. Hé, hey, ça, c'est la question qui ça tue. Ça se dit tellement pas, ça. Si jamais il arrive quelque chose de semblable au Québec. On est des suspects directs. C'est ça. C'est clair, là. On va s'auto-avouer en ondes. En même temps, il y a tellement peu de choses qui n'ont pas été faites. Tu sais. T'essaies d'être novateur dans ton. Ben oui. Mais sinon, tu peux y aller genre avec un crime passager. Là. Gentil, comme mettons, voler du pain pour ma famille. Ouais, c'est ça. Dans le besoin. Voler ouais. l'argent des riches pour la donner aux pauvres. Comme Robin des Bois. Comme Robin des Bois. Robin Hood. Robin Hood. Robin Hood. Hey, Gabriel ouais. B. Hood, ben maison. C'est moi. Hey, c'est incroyable. C'est cool. Ben, je pourrais faire ça. C'est comme un mash-up entre Robin dans Batman et Robin. Ouais. Robin Hood comme Robin des Bois. Puis ouais. Gabriel B. Hood. C'est tout ça. Robin B. comme Batman. Hood. Ouais. Exactement. Parce que B veut dire Batman. Non, mais je pense qu'un des crimes les plus communs et satisfaisants que j'ai déjà commis, satisfaisant, là, entre guillemets, bien sûr. Hein. Je pense qu'on avait 7-8 ans. Ouais. Puis on est arrivé à la fameuse maison à l'Halloween que c'est écrit, tu sais, un... Ils sont pas là. Ouais, c'est clair. Pas Cancun. La lumière est fermée, tu le quittes, là, puis... Non, mais il y a la lumière sur le porche qui est allumée. Ah, oui. Ils sont dans okay. un party déguisé entre adultes, mm-hmm. ou je sais pas trop. Et puis, il y a comme deux petits paniers. Sa galerie marquée « Prenez une barre de chocolat! Ah, » Et puis Dieu. Juste au côté, il y a comme pour 4-5 piastres de change pour ceux qui passent UNICEF. L'UNICEF, oh mon Dieu! Puis t'as une autre boîte avec des lames de rasoir. Ouais. Ouais. Installez-le vous-même, ouais, on n'a pas le temps. Exactement, do it yourself! Mais il y avait comme, c'est ça, deux paniers là, avec, c'était des vraies barres de chocolat. Pas des petites barres d'Halloween. Pas là, fun des, size, là. Non, non, non, tu sais, des trois rigs. Ouais, ouais. Ou des Wunderbar. Des King Size. Wow. Ah, ouais. Puis, je pense qu'il y avait, on était quatre petits gars, là, puis il devait avoir une douzaine de palettes de chocolat. Puis nous, ben, on a décidé que, ben, qu'on était les derniers à passer l'Halloween à cette maison-là, visiblement. Fait qu'on a vidé le panier. Ouais. Puis, t'as réussi à quel âge vous avez passé l'Halloween? Hey, moi, la dernière fois, c'était au secondaire. J'étais vieux. Ouais, ouais, moi avec. C'est quand même vieux, je trouve. Hein. Mais j'avais. Mais j'aimais ça, c'est parce que j'aime me déguiser. Tu sais, l'Halloween, là, c'est ma... je pense que c'est ma fête préférée. On s'était fait voler nos bonbons par des gars en char. Non. Je me rappelle très bien. J'étais avec mon ami, là, si tu l'écoutes, Philippe. On passait l'Halloween, puis lui, il avait le costume. Tu sais, la personne qui se force vraiment pas, il était déguisé en fantôme. Ouais, c'était pas le genre. Avec un drap et deux trous, ouais, là, c'était littéralement ça. Fait que là, on s'en revenait d'une très bonne récolte. On passe par la cour du centre d'achat de ce rétro-ci. Il y a deux gars qui sont arrivés en char. Ils ont breaké au côté de nous. Ils nous ont volé nos sacs de bonbons. Ouais. Comme ça, là, sans rien dire. Ben, ils nous ont gueulé après, puis ils se sont poussés. C'est avec comme voler une sacoche, là. My God, quoi, ça vaut c'est plus agressif. Cher. Ah ouais, exact. Mais prends que ça vaut plus cher que ce qui se trouve dans la sacoche, considérant le fait que les bonbons, ça coûte... Ben, la valeur réelle des bonbons est beaucoup moins élevée, probablement, que ce qui se trouve dans une sacoche. Ouais, peut-être. Peut-être, ouais. Mais la ça valeur dépend. Émotive et puis la valeur, je dirais, tu sais, Jack l'a pris au coton pour avoir des petites barres de chocolat. Ouais, tu sais, tu l'as travaillé, là, ton sac de bonbons. Ouais, ouais, ouais, on a marché. Si t'étais payé heures, à l'heure, là, t'aurais fait ça. Ah, un gros 3,5 piastres de l'heure, à peu près. Et puis, on s'est fait voler, là, notre récolte. Puis, l'autre fois d'après, ben, on s'est pas fait voler, là. On avait l'excuse de passer avec les petites sœurs. Oui, j'ai fait ça, moi. Les longtemps. Petites sœurs. Je passais avec mes cousins. Ah, OK, pas les petites sœurs et grandes sœurs non. du Canada. Non, non, exact. Ouais. Alors, on passait, là, c'était une belle excuse parce qu'il y avait comme 8 et 5 ans. Puis en arrière, t'as comme 4-5 grands tarlats de 15-16 ans qui passent avec eux. Là. On s'était costumés, là, toujours bien. OK, phew. Non, en frisson, c'est un classique, ça. Non, non, on était déguisé, on était une bande de... déguisée en, de en Batman. Ah, OK. Il ouais, y avait... quatre Batman. Il y avait Catwoman, il y avait Batman, Robin, le Joker. Ah, c'est mais bon, c'était ça. Des costumes... La thématique était, dans le fond, pas... Faut que ça te pète sur le corps. Genre, exactement, c'était... Mais c'était tout fait à la main ou avec, okay. C'était du recyclage. Et puis nos costumes, tu sais, on est arrivé au cégep à l'époque. Non, t'as plus vu que ça, on était au cégep. À l'époque, avec nos costumes, et puis, Tu sais, t'en as qui se forcent beaucoup trop. Ma mère est maquilleuse pour la télévision. Ouais. Eux, ils arrivent en Batman, Catwoman et compagnie. Le costume, ça doit valoir 200. Ouais, c'est ça, en exactement. En ensemble, nous autres, ils vaut à peu près 12 piastres. Fait que, on avait passé l'Halloween avec ça, puis on s'était fait accuser par une vieille dame de voler les bonbons des oh enfants. Oh non! Puis on lui avait répondu que tout ce qu'on voulait, c'était de l'amour. Puis on était comme... Je savais pas quoi répondre. Elle était troublée. Ouais. Oh, excusez. C'est ça. Volez pas mon amour. Ouais, puis je me rappelle, elle avait crié ça dans le cadrage de porte pour arriver chez la voisine, qui était une vieille dame aussi, dire « Si elle n'en donne pas, moi, j'en donne pas. » Non! Ouais. Ils sont tellement influençables, les personnes âgées. Ah, c'est fou, hein? Ouais. Moi, je les aime, les personnes âgées. Aimez-vous les personnes âgées? Ben, ça dépend. Ben, je les respecte, correct. Hein? Ouais, je les respecte, correct. Non, mais tu sais, avez-vous l'annonce d'un centre de personnes âgées qui offre une chambre en échange de bénévolat? Oui, ça, c'est une bonne idée. Gratuitement. Oui, ici, hey, c'est à Trois-Rivières. Ouais. Moi, je suis comme... J'ai pas besoin de ta chambre, je vais faire le bénévolat pareil. Ah! Ouais, mais en même temps, ça doit être cool. C'est vrai. Les repas sont servis toujours à l'heure. En plus, une belle heure. À 4h30. Tellement. Tu vas jouer à pétanque avec. C'est ça. Le soir, t'as quelqu'un qui vient te donner ton bain. Tu vas jouer à pétoncle. Ouais. À pétoncle. Oui. À pétoncle. Ah, mais c'est fou. C'est sûr que c'est trippant. Moi je pense que j'aimerais ça, essayer ça. Vivre dans une résidence pour personnes âgées pendant une semaine. Tu sais, mettez-moi au test, genre. Une semaine, c'est pas assez. Tu sais, Marc Hervieux, là. Ouais, ouais, genre. Il est représentant des résidences. Là, je me souviens plus. Peu importe le nom. Le manoir. Ouais, okay. La résidence du manoir. Et je veux sa job, genre. Donnez-moi la job de Marc Hervieux. Je veux devenir représentant de notre résidence. Vous rêvez d'un endroit paisible où tranquillement mourir. Ah non. Mais non, mais je rêve d'aller faire une game de bowling avec les personnes âgées dans le sous-sol. Pas vous, non. Okay. Ben, non, vraiment pas. Ils ont vraiment tout. Ils ont. T'sais, on sait, ils ont des salles de bowling. Il y en a certaines même qui ont comme une petite salle de cinéma. Oui. Ah. Pas mais c'est fait, fou, là. Ils payent. C'est le plein prix là, pour tout ça. Là. Être une personne âgée, ça coûte cher. C'est la famille qui paye souvent, des fois, non? Oui, mais tu sais, souvent, il en reste juste un des deux, c'est ça. Ah, elle riche des remplaçants. Exactement. Ça doit être pas mal tout. C'est aux alentours de 10 000 $ par mois. Ouais, facile. Pour un 3,5. Ouais, c'est ça. C'est troublant, mais en même temps... C'est comme vivre sur le plateau à Montréal. Genre, il y a un certain encadrement aussi, dans la mesure où ils ont des services... Les soins. Exactement. Des services disponibles sur place. Ouais. Des déjeuners, des dîners, des soupers. Ouais. C'est vrai. C'est déjà... Ça met les choses en perspective, mais... moi, ma copine travaille dans un dépanneur qui est dans... Un dépanneur pharmacie qui est dans une maison de personnes âgées. Elle est donc bien chanceuse. Elle aime bien ça, justement, pour le contact avec les personnes âgées, mais elle dit qu'ils sont atrocement isolés. Ah, c'est clair. Il n'y a personne qui vient les voir, des fois. Non, c'est ça. Tu sais, par exemple, comme lorsqu'il y a des fins de semaine, là, des longs congés, comme par exemple, le lundi, c'était fermé. Mm-hmm. Là, c'est la détresse. Hey, qu'est-ce que je vais faire demain si je peux pas venir m'acheter un petit cossin au dépanneur? Ah, c'est comme la sortie du jour. La cote avec la personne qui travaille. Exactement. Là, fait que c'est quand même troublant, là, mais en même temps, tu te dis, on se croise les doigts pour que des gens aillent les rencontrer cette journée-là, étant donné que tout le monde est en congé. Mm-hmm. Mais nous, on avait fait une activité au primaire. Je me souviens plus pourquoi on avait fait ça exactement, mais on avait été passer la journée dans une résidence. Non, on avait été passer la journée dans une résidence pour personnes âgées. Puis je pense que c'est au primaire ou au secondaire qu'on avait fait ça. Puis c'était tellement le fun. Je pense qu'ils font ça. Il y a une école là qui est située, près des forges, qui vont passer l'Halloween dans la maison de personnes. C'est une amie comme ça. C'est cool. En même temps, je sais pas à quel point. Je pense qu'il y a deux réactions à ça de la part des personnes âgées. C'est soit clair. Ils sont super contents. Soit ils n'aiment pas ça partout. Soit ils capotent bien raide. Ouais. Je sais pas. C'est... Ils restent seuls dans leur coin. Ça, c'est vraiment un préjugé. Ouais. Non, mais il y en a. Là, il faut pas dire que toutes les personnes âgées sont gentilles. Non. Il y en a qui sont déplaisants, mais... Ouais, ceux qui sont joyeux, là, ceux qui sont heureux de te voir, je pense qu'ils comblent pour celui qui reste dans son coin et puis qui grogne. Non, moi j'ai la chance. Hey, on est rendu, on se créerait à Claire Lamarque. On a une personne âgée d'ailleurs en studio. Oui. Exactement. Non, Moi, j'ai la chance d'avoir des grands-parents encore actifs. Tu sais, en leur... vie, premièrement. Ouais, ouais, c'est ça, qui ont leur appartement ou mon autre grand-mère a sa maison encore. Mm-hmm. Puis ma grand-mère est venue là, voir l'improvisation. Est-ce que c'était le match du 2 octobre? Oui, oui. Il y avait des têtes blanches dans la foule. C'était la tête blanche. Ben voyons, tu as vu? Oh, wow. On aurait dû l'amener sur la scène. Oui, oui. Puis j'ai peut-être tenu des propos parfois vulgaires. Oui, mais... je te confirme. Mais ouais. Puis, ben, c'était à propos dans l'improvisation. Ben oui, c'est sûr, ça. C'est jamais déplacé. Gratuit. Ben non. Et puis, ma grand-mère a semblé appréciée. Fait que. Probablement que. Tu sais, c'est sûr que ça fait changement de la poule. C'est sûr. Mais... Le lundi soir, c'est le lundi, la poule? Je pense. Ça me semble. Tant, la poule aux odeurs, lundi. C'est sûr que t'écoutes ça. Hein? Mercredi. J'ai pas de câble. Entre deux émissions de classe. Mais... T'as pas installé une antenne pour pouvoir regarder la poule? Non, parce que la poule a rien changé dans ma vie. Mais je pense que c'est lundi si je me fie à mes souvenirs. Ouais, hein? Moi aussi. C'est encore le même qui anime ça? Oui, Guy Mongrain. Ah oui, Guy oui, le très bon Guy. Roi des jeux de mots, mon maître. Guy Mongrain, là. Ouais, ouais, c'est, par exemple, il est très fort. Mettez-le à la place de Marc Hervieux. Comme porte-parole pour les personnes? Ouais. Ben, il y a l'autre. J'avoue que c'est la vedette. Sauf Gino Chouino. Ah ouais, ça, c'est ça. Ouais, sûr. Mais tu sais, Gino, il est trop. Il est trop tendance. Jeune. Ouais, c'est ça, il est trop tendance. Chocolat favori. Ouais, il est trop exact, mainstream. Il est encore trop associé à des choses jeunes et cool. C'est ça. Ben, faut le dire vite, là. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Tu sais, c'est pour ça que je pourrais pas être représentant d'une résidence. T'es trop cool, hein. J'ai demandé à mon agence si je le fais. On m'a répondu que j'étais pas le créneau d'âge requis. Ah, moi, j'aimerais ça. Moi, je pense que j'ai hâte de taper le 45 pour pouvoir le faire, là. Aïe, aïe. Moi, je pense que je rentre directement dans le moule. Ouais? Ouais. Ouais. C'est comme Kéten un peu ses bars j'aime en étant jeune. Les petites d'après-midi. C'est ça, ouais, ouais. Ouais. Tu portes une petite laine en ce moment, non, c'est pas vrai. Ouais. C'est ça. C'est tout. Mon tricot. Ton tricot? Non. Bref. Je pense qu'on a, assez divagué. C'était le fun, par contre. Ouais, c'était bien plaisant. On se reprend la semaine prochaine. Moi, je vais aller faire du bénévolat pour avoir ma chambre. Oui. Ben, c'est ça. Quand tu voudras faire un crime, fais du bénévole à l'étalage. Bénévole à l'étalage! Gabriel Bewill. Guy Mongrain, sors de ce corps, s'il te plaît, parce que je suis pas confortable. Mercredi à 9h, une autre chronique dans les coulisses de la lutte. Sinon, ben, on invite tous les gens à venir lundi prochain, le 16 octobre. Ouais, le 16 octobre, à venir voir le match des Oranges contre les Bleus à la Chaise Galerie. C'est à 20h, c'est gratuit. Et puis, il y a plein de beaux prix qui se font tirer durant la soirée. Gratuité de nos commanditaires. Mais Monday Night Improv! Oui, on vous invite en grand nombre. Vous allez voir, c'est une très belle soirée. Et voilà, un jour, on sera sur RDS3. Oui! Exactement. Merci, Gabéo. Allez, salut. À la semaine prochaine. On écoute une pièce de paupière, défunte lune de miel. Assemblage. Au 89 FM. We'll be right back. papillon solennel. Recherche une étincelle. Des ampoules, des lampadaires. Défunte, lune de miel par paupières. Au retour, ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, on va dépenser. Oh, ouais. Oh oui. Assemblage de guide. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage de guide. C'est fou, c'est fou. 89. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage de qui? Vous êtes de retour à Assemblage Requis, accompagné de Mathieu Plante. Et de Tania Baudin. Ok, oui. Oh, oui. Gabriel Béhou nous a quittés. Ouais. On ne pourra plus parler de personnes âgées. Triste, hein? Mais j'ai su qu'il y avait autre chose qui s'en est. Oui, genre, ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Oh là là! Genre, acheter des choses sur Internet, c'est ça que tu veux faire, hein? Tu veux dépenser. C'est, ouais, c'est ça. Allons-y. Ça ne devrait pas. Oh là, la chronique, on achète des choses sur Internet et on le regrette instantanément. Hein? Sortez la carte de crédit. Parce que Schling. Ça va coûter cher matin. Commençons avec des. Commençons avec. Oui, c'est ça. OK. Oui, je reprends mon souffle. Colin, que le premier que j'ai choisi, là, c'est pas mal déjà pour un public averti. Hein? Oui. Ça s'appelle le clone Willy Kit. D'accord. T'aimerais ça avoir un clone identique du membre masculin de quelqu'un? Bien sûr, un cadeau idéal. Waouh, mais ce quelle kit idée! Inclut tout ce qu'il te faut pour te faire un dildo vibrant en caoutchouc silicone en forme exactement d'un. Celui que tu veux, là. Mais faut que la personne accepte. Faut que la personne ait accepté. ça dit vraiment make an exact rubber copy of any penis. Ça veut dire qu'il faudrait que j'aille chercher Nick Jonas, que je lui demande de le mettre, puis là, ça va lui mouler. Ben, ça me surprendrait pas qu'un jour, avec les imprimantes 3D, on puisse aller sur un site et télécharger. Tu sais? Parce que ouais. Déjà, t'as les trucs sexuels. On parle beaucoup trop de. Ouais, je sais. Le truc de que tu te mets sur le membre masculin pour te faire aller le. T'sais? Oui, dont on a déjà discuté, là. Ouais, ben il y a des copies avec des porn stars. C'est l'intérieur du. Floup-floup. Ah ouais? De la porn star, ça existe. Hey, boy. Je te jure, je vais beaucoup trop souvent sur Internet. On n'y est pas? Ensuite de ça, on parle souvent de dormir au bureau, faire des petites siestes comme ça, d'avoir, on a déjà parlé d'une petite tente de bureau, on a déjà parlé d'un hamac pour les pieds au bureau, et bien maintenant, on a un oreiller de cou en mousse mémoire accompagné d'un hoodie. Oui, donc, OK. C'est vraiment comme un beignet autour du cou, comme un oreiller de voyage. Et après ça, t'as par-dessus une capuche, donc tu peux venir fermer ça avec le petit cordon et dormir sur ton côté, dormir par en arrière. Je sais pas comment tu te places pour être confortable quand tu dors assis, là. Je suis pas capable de dormir assis. Pour vrai? Non. Oh non, hey, moi, oui. C'est en auto, vie, là. Hein. Ah, ça, j'avoue que ça m'est déjà arrivé. Tu restes le dos droit. C'est merveilleux. Ouais, faudrait j'aime ça. J'aime ça. Donc ça, c'est le Memory Foam Neck Pillow with Hoodie et ça coûte 45$ canadiens. Tantôt, j'ai oublié de dire que Clone Wheelie Kit, lui, coûte 40$ canadiens environ. Oh, OK, quand même. Les liens sont sur assemblagerequis.com. Continuons avec une boîte d'abonnement. Chaque semaine, dans Sex Mess, ça nous répond là. Quand on fait la chronique, on parle de quelque chose qu'on peut s'abonner. Oui, et recevoir ça effet. À chaque mois à sa porte. Ici, c'est un service d'abonnement pour le camping. OK. Donc, pour continuer vos aventures de camping un petit peu toute l'année, en gardant votre armoire ou votre boîte ou votre sac ou je sais pas dans quoi tu mets tes affaires pour aller faire du camping. Mais bref, bien rempli, tout ça. Un sac. C'est livré à ta porte, rempli de choses vraiment luxueuses, premium, des trucs de survie, que ce soit, je sais pas, une micro lanterne chandelle, des lumières LED, une gourde pour l'eau, du chasse moustique, guide de survie en petit livre, des trucs comme ça. Donc c'est rempli de choses pour 50$ canadiens. Ensuite, le grandpad, tu m'as dit tantôt, bon, Gabriel Béot est parti, on pourra plus parler de grands-parents. Ben, oui. Je me voulais en train de te corriger parce que je vais parler de grands-parents avec une tablette juste pour eux. Hein? Le grandpad. Selon un article du New York Times, 14% de la population du monde a plus que 65 ans. Et une grande section de ces gens-là ne sont pas super connaisseurs de l'électronique. Ça peut être difficile pour eux de suivre la tendance des plus jeunes, smartphone, tablette, ordinateur. Donc le GrandPad, c'est une tablette qui est faite exactement pour les personnes âgées. C'est une tablette de 8 pouces avec une connectivité, bien sûr, 4G LTE pour que n'importe quelle connexion de téléphone fonctionne sans fil et pas besoin de Wi-Fi. Ça fonctionne sur le réseau Verizon aux États-Unis. La tablette a des applications simplifiées pour faire des appels, envoyer des courriels, jouer à des jeux, aller voir la météo, prendre et envoyer des photos, même faire des appels vidéo, tout ça sans avoir à faire d'installation compliquée de mots de passe ou de distraction. Est-ce que tu crois que les personnes âgées sont moins informées parce qu'ils sont moins sur les réseaux sociaux? Et sont moins sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont moins informés de comment y aller? Non, je sais pas. Ouais. C'est comme une grande roue, c'est un cercle vicieux pour les personnes âgées. La grande roue de « si salut bonjour » l'a pas dit, je suis pas sûr qu'ils le savent. Ouais, c'est ça exactement. Je suis pas certaine que... Quoique, tu sais, moi, ma grand-mère, elle écoute à l'ICN à journée longue, fait que probablement qu'elle est au courant, mais j'imagine qu'ils sont pas tous comme ça. Ben, ça dépend de s'ils expliquent l'affaire, parce que des fois, tu vas entendre des mots sur LCN, sexting, que t'es pas trop certain, t'es ouais. Pas certain qu'est-ce que comment c'est. Comment tu veux le chercher? C'est pas dans ton dictionnaire Larousse? C'est ça. Le petit Robert? Fait que là, ils appellent leur famille ou ils vont sur Facebook taper un statut. Je pense que j'ai donné une conférence aux personnes âgées dans les résidences, comment bien s'informer. Ça marcherait vraiment bien. Un petit cours de technologie pour les personnes âgées, ça existe déjà, là. Mais c'est pas... C'est pas fou, hein? C'est pas fou pour tout. Bref, le GrandPad coûte 75$ par mois. C'est vraiment super cher. US en plus, on peut payer pour une année au complet pour 786$. C'est vraiment ridiculement cher. C'est sur grandpad.net. Je sais pas. Moi, je pense que tant qu'à leur acheter ça, mettons, à des grands-parents, même avec les gros icônes, trouve-leur une tablette iPad Android pas cher, mettons. Hein, puis installez-leur leurs applications, puis laissez-les après ça. Faire du essai-erreur, tu sais. Je pense que c'est intelligent. Ouais. Ensuite, quand tu manges dans une assiette, Tania, est-ce que tu as tendance à séparer tes affaires? Est-ce que tu es capable de faire une bouillie? Est-ce que tu mélanges ta poutine, tes pâtes, ou tu gardes tout séparé? Moi, je suis du genre à garder... ça dépend. Mes pâtes, c'est sûr que ça va être mis avec la sauce. C'est pas sûr. Moi, je mets la sauce par-dessus pour pouvoir avoir sur les côtés des pâtes pas de sauce. Oui, OK. Les pâtes, je les fais mélanger. OK. Mais si tu mets dans mon assiette des légumes, de la viande... Puis, par exemple, des patates. Ouais. Sépare-moi ça. Ouais, sépare-moi ça. Je veux même pas que ça se touche. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Bref, on a maintenant la Food Separating Plate Dividers. En fait, c'est pas une assiette, c'est des séparateurs de nourriture que tu peux te procurer en plastique, en silicone, en fait, que tu mets dans ton assiette et tu vas venir séparer tes petits pois d'un côté, ta salade de fruits, même ton dessert pour être séparé. Je suis pas certaine que la salade de fruits, ça fit avec le spag dans la même assiette, là. Mais ce qui est le fun, c'est que vu que c'est en silicone et que ton assiette est plate, ça va comme créer un saut autour pour empêcher ta salade de fruits d'aller toucher à tes pâtes. Okay. C'est fait exprès pour que tu puisses garder des trucs comme même un dessert dedans pour empêcher les affaires de se contaminer l'une l'autre. C'est des diviseurs semi-circulaires qui peuvent contenir jusqu'à une demi-tasse de nourriture. Ça colle à l'assiette, en fait, en utilisant des petites suctions. Ah. Et c'est fait de silicone grade alimentaire qui ne va pas avoir d'arrière-goût. Donc, l'idée en tant que telle, je l'apprécie bien. Ouais, moi aussi. C'est 10,1169 $ canadiens. Ensuite, quand tu fais ton lavage, est-ce que ça t'arrive de perdre des bas? Clairement. Tout le monde c'est, a vécu ça. Ouais, c'est ça. C'est un classique. C'est un drame. C'est comme être dans l'armée. T'as un syndrome de post-traumatisme d'avoir perdu un bas. Exactement. Donc, pour empêcher vos bas d'être perdus comme ça dans le néant, il vous faut le sock dock. OK. Le sock dock, c'est un rack flexible où on peut garder 9 paires de bas ensemble dans la laveuse et la sécheuse pour qu'il n'y en ait pas qui s'en aillent. Hein, le holder a un crochet au bout pour pouvoir l'utiliser pour accrocher les bas dans le garde-robe ou peut-être même pour les faire sécher, je sais pas. Ça pourrait être bien. Donc, ça vient avec 2 racks, un pour les bas sales et un pour les bas propres. On peut acheter ça sur sockdock.com ou sur Amazon pour 14,95 US. Donc, c'est vraiment... les bas ont l'air d'être attachés après des pinces par paire. Donc, une pince à gauche, une pince à droite. Et là, tu as de la place pour 9 paires de bas. Et le crochet, en plus, est en forme de pied avec des orteils au bout. C'est beau, beau! Ouais! Super cute! C'est quétaine, pas mal. Ouais, vraiment. Mais pour les faire sécher, je trouve que c'est une maudite bonne idée. Pour les faire sécher, je suis d'accord. Ça pourrait t'éviter, en fait, de les mettre dans la sécheuse. Ouais, absolument. Moi, ça me manque. Les accroches sur ton rack. Ouais. La tête. Exactement. Ensuite, quand on cuisine un peu de la lasagne, ça t'arrive de te faire des lasagnes? Oui! T'aimerais pouvoir te faire 3 sortes de lasagnes en même temps, mais t'as juste un rack à lasagne. Ouais! Comment on appelle ça? pas un rack, là, mais un... pas un plateau, pas un bol, un contenant, un truc pour mettre à lasagne. Ouais. C'est ça. Un contenant à lasagne? Mettons. Ici, il est divisé en 3. Un bol, un contenant, je sais pas. J'ai vraiment cherché le mot puis je le trouve pas. Là. Moi non un plus. Pan à lasagne, comme on l'appelle. Un pan à lasagne. Bref, celui-là est divisé en 3. C'est le Chef Tony. Tu connais le Chef Tony des infopubs à télé? Oui. Chef Tony Trisagna Pan. C'est un jeu de mots avec try comme tri et lasagna. On se comprend. Donc, 3 compartiments séparés pour la cuisson. Pour faire 3 recettes différentes exactement en même temps, c'est parfait pour faire 3 types de lasagne. Mais aussi, sinon, faire peut-être un pain de viande, casserole, gâteau, brownie, du pain. Tout ça différent. Peut-être qu'avec les paramètres de cuisson, tu peux pas faire chacun de ces affaires-là en même temps. Mais au moins, tu pourrais faire 3 sortes de pain, 3 sortes de brownies, etc. Alors, c'est fait d'acier, carbon steel. Chaque compartiment a son propre petit système pour le retirer un à la fois. Donc, tu peux le retirer, le remplir d'ingrédients, remettre ça à l'intérieur et passer au four. Il y a une petite vidéo de démonstration sur assemblagerequis.com. Une bonne solution, entre autres, par exemple, pour ceux qui aimeraient faire une lasagne, mais que dans la famille, il y a des végétariens. Oui. Donc, tu pourrais faire une lasagne végétarienne, une avec plus de fromage, l'autre avec, je sais pas. C'est bien, c'est vraiment bien. J'aime bien le concept. Différentes sortes de pâtés chinois. Ouais, il y a pas de limite à ce qu'on pourrait faire avec ça. Ensuite, celui-là, là, c'est, je dirais que c'est plus pour un bar, mais on le vend pour le grand public en tant que tel. Tu sais, quand tu finis de boire une boisson gazeuse, une bière, oui. J'imagine que tu la pognes, tu t'assaques sur le front pour l'écrapoutir. Tout le monde fait ça. Mais oui, clairement, mon front est assez fort pour tout pouvoir le temps, faire ça. T'as les marques dans ton front en permanence. Donc ici, c'est le Wall Mounted Can Crusher. Pour empêcher, c'est plus pour ceux qui veulent, mettons, qui ont leur bac à recyclage. Ils veulent mettre leurs canettes dedans, mais ça prend beaucoup de place, les canettes. Donc, c'est fait pour être installé sur le mur. T'as une poignée comme pour exécuter quelqu'un qui a commis un crime puis qui est mis à peine de mort. Là. Donc, c'est vraiment comme une grosse... comme une lumière de Frankenstein. Et tu tires dessus et ça va écrapoute ta canette et tu peux la mettre dans ton recyclage. Ça va être juste une petite rondelle. Crime, c'est bon? Pour aplatir les canettes, c'est vraiment super le fun. Appareil compact qui peut être mis n'importe où dans la maison et c'est super simple. Tu peux le faire avec des canettes de 12 ou même de 16 onces, les plus grandes canettes de bière. Donc, très pratique, 20$ canadiens environ. C'est ensuite, bien. Une tuque Bluetooth. Ah, oh boy. Tout est Bluetooth. Hein, même tes écouteurs à 40, même pas 30, 30$ sont Bluetooth. Ouais. C'est ridicule. C'est rendu, le Bluetooth est partout. En fait, je trouve ça inutile d'avoir des écouteurs Bluetooth. Pourquoi? À moins que je sois en train de courir. Là, ben, je trouve ça vraiment cool. Si c'est parce que toi, t'es en voiture, tu marches pas. Ben, quand tu marches... Non, mais c'est ça que je dis, à moins que je sois en train de courir. Non, mais moi, je parle de marche. À moins que je sois en train de m'entraîner. OK. Tu sais, le fil serait dans mes jambes, fait que je trouve ça ouais. Cool. Mais moi, mon mode de transport, c'est de marcher. Et le fil est tout le temps en train d'accrocher dans mon manteau. Ouais. Et en plus, tu l'entends dans tes oreilles, le fil, c'est vraiment pas le fun. Donc, le Bluetooth, moi, je suis pour ça pas mal. Mais bref, donc ici, on a une tuque Bluetooth pour écouter de la musique, faire des appels les mains libres et bien sûr, rester rochaud. Hein? Wireless Bluetooth Beanie, super haute technologie, écouteur Bluetooth intégré avec microphone, cancellation, wow! Mathieu, annulation de l'écho. Boy, ça me saigne tellement les oreilles quand quelqu'un dit canceller comme assez fou, souvent. Ça arrive. Bref, pas de cordon nulle part, et ça intègre un bouton play, pause et volume directement sur le côté de la tuque sans ajouter de poids. Ça se charge via USB pour des heures d'utilisation. C'est complètement lavable à la machine. Ça peut aller jusqu'à 33 pieds de distance avec la plupart des appareils Bluetooth. Et en plus, les écouteurs ne tomberont pas de vos oreilles parce que, Colin, c'est poigné après ta tuque. Ouais. C'est génial. Wireless Bluetooth Beanie. Ensuite, celui-là, je le trouve cute. C'est un peu quétaine, mais c'est cute. C'est une tasse. C'est pour les Forever Alone. C'est pour les Forever Alone, pour ceux qui ont besoin de compagnie quand ils boivent. Ça ressemble aussi à des pieds de vache, fait que ça... Effectivement, c'est une tasse de céramique avec des doigts pour que tu puisses la gripper comme si, oui, si tu prenais la main de quelqu'un. Aujourd'hui, on dirait que je m'écoute pas parler. J'allais dire si tu prendrais. Mathieu, les cinèmes pas les raies. Si tu prenais ta tasse avec la main de quelqu'un, mais oui, ça ressemble à des pieds de vache. Donc, pour le chocolat chaud, ça a du sens. Il y a du lait, tu sais. Oui, c'est ça. Ça a du sens. C'est une tasse à café, tout ce qu'il y a de plus simple pour le reste, mais avec des doigts sur le côté. 50$ canadiens, beaucoup trop cher pour se sentir moins seul. Ensuite, on reste dans les breuvages. On voit tous passer dans différents magasins les petits frigos à Coca-Cola. Mm-hmm. Ils sont tellement cute pour mettre tes canettes de liqueur. Vrai. Dans le même genre un peu, ça va être le look Coca-Cola chez vous, mais c'est fait pour faire de la slush. De la slush gelée. Donc, des petits copeaux de glace au Coke. Okay. C'est fait pour que tu verses ton Coca-Cola à l'intérieur du récipient et tu mets ta tasse en dessous. En fait, la tasse vient avec. Là, et ça va te faire de la slush gelée. Délicieux. N'importe quel liqueur fonctionne évidemment, là, mais on vous suggère Coca-Cola à cause du logo sur le côté. 75$ canadiens pour acheter ça. Ensuite, Muna. C'est un pad qui va garder votre oreiller au froid. Moi, il y a des gens qui trippent parce que leur oreiller soit froid. Ben, on en voit des fois en infopub à la télé. Il y en a qui ont on peut mettre de l'eau froide des fois dans son oreiller. Donc ici, c'est une compagnie start-up, Muna. C'est un projet Kickstarter qui espère améliorer votre sommeil avec un pad pour oreiller qui va régulariser la température de votre oreiller. L'appareil est super simple, mais ça offre quand même pas mal de fonctionnalités. Une fois qu'on met le pad à l'intérieur de la tête d'oreiller, ça va garder votre oreiller au froid avec de l'eau. Okay. Pas mal comme on fait avec les processeurs d'ordinateur et le water cooling, le refroidissement à l'eau. Mais il y a plus que seulement garder votre tête au froid. Le pad va régulariser la température de l'oreiller pendant que vous dormez. Donc, ça va la rendre plus froide, plus t'as chaud. Et ça va doucement réchauffer l'oreiller quand tu vas devoir te réveiller. C'est vraiment bien, fort. Ouais, c'est cool. Bref, j'adore ça. Très bonne idée, mais ça coûte super cher, 400$ pour l'instant US sur Kickstarter. J'imagine qu'une fois que ça va être produit, ça pourrait être moins cher. Je sais pas. On va voir. Peut-être. Ensuite de ça, on y va avec une poubelle cette fois-ci, tiens. Tantôt, on a parlé de canettes et crapoutes. Ouais. Ici, on parle des crapoutes, c'est poubelle. Il n'y a rien de plus déplaisant quand tu as des affaires dans ta poubelle et que là, bon, tu te dis, crime, il reste encore probablement la moitié de la place si je pesais dessus. Donc là, tu pèses avec ton soulier. Mais là, ça coule partout. Ça coule de partout, c'est dégueulasse. Donc, Compacting Garbage Can des designers Richard et Anthony Joseph. C'est donc une poubelle en acier inoxydable avec un compacteur à déchets intégré. Ça va donc descendre ton contenu à environ le tiers de sa grandeur normale. Ça va vous permettre d'utiliser moins de sacs de plastique, faire moins de voyages au coin de la rue. Et une fois que les poubelles sont arrivées au sommet, on n'a qu'à appuyer sur une pédale avec son pied. Pour même le faire sans les mains, on peut relever la poignée et ensuite repeser dessus. En tout cas, on peut faire vraiment le mouvement plusieurs fois. Et le compacteur ne touche jamais aux poubelles, étant donné que le liner en plastique le protège. Et il y a aussi un design anti-déchirure pour empêcher le pincement ou l'étirement du sac. On peut y aller jusqu'à 24 gallons de capacité. Le filier est résistant aux empreintes. Et il y a un filtre anti-odeur remplaçable. Il n'y a que des avantages. Le seul désavantage, en fait, c'est pas C'est vraiment encombrant. Ben oui, et que le sac va être très, très lourd parce que tu as le triple. Le triple. De la poubelle des déchets dedans. Bref, vidéo de comment ça fonctionne sur assemblagerequis.com, mais c'est vrai que c'est quand même assez gros. Ensuite, continuons avec une imprimante à tatou temporaire. Oh boy. Si tu veux tester toi-même ton propre dessin, on a déjà parlé d'une application où tu pouvais comme visualiser en réalité virtuelle, réalité alternative, ton tatou sur ton bras ou peu importe. Ici, c'est vraiment, tu vas pouvoir prendre ton propre dessin et te l'imprimer sur le bras ou n'importe où. Ça convertit ton propre dessin, ton propre design et ça l'imprime sur toi. Donc, tu pourrais tester plein de choses comme ça pour 290$ à canadiens. Super cher, mais en même temps, c'était pour te payer un tatou de ce même prix-là. Moi, c'est ça, aussi bien aller t'en faire faire un vrai. Je suis d'accord avec toi. Ensuite, celui-là a fait le tour d'Internet dans les dernières semaines. Peut-être en avez-vous entendu parler. Sinon, ben, Colin, je vous en parle là. C'est le dad bag. C'est un sac banane qui fait pour ressembler à une banane de monsieur. Ah non! Oui, le fanny pack, icône des années 90. Maintenant, quelqu'un essaie de trouver une façon de faire le pire produit de tous les temps en combinant le sac banane avec une banane de bière. Monstrueuse. Ça sort dans-dessus de votre chandail. En fait, ça sort pas dans-dessus de votre chandail, c'est par-dessus, mais ça a l'impression que tu sors en-dessus de ton chandail. Bref, le dad bag, de la place, mets ton portefeuille, tes clés, ton téléphone. C'est pas encore disponible. Le créateur s'appelle Albert Pukies, qui cherche des gens pour mettre ça en production. Les photos sont tellement photoréalistes, je dirais. T'as vraiment l'impression que c'est la banane du monde. Ouais, c'est vraiment pas cute, y a du poil. Pas charmant du tout, ouais, non, c'est ça. C'est pas mal du poil. En tout cas, moi, je dis non. Non. Ensuite, continuons avec des zip ties, donc des... Comment on appelle ça? Colin. Comment est-ce qu'on appelle ça? Des trucs de plastique pour attacher quelque chose. Des tie wrap. Fallait que je le dise à voix haute pour me rappeler du temps. Donc, c'est des zip ties, mais en acier inoxydable. Moi, Je ne savais pas que ça existait. Moi maintenant, je le sais. Comment tu peux arriver à le plier? C'est de l'acier inoxydable mou. OK. Apparemment. Donc, c'est réutilisable à outrance pendant toute votre vie. Ça peut être exposé à la chaleur, au rayon UV. Donc, ça peut faire beaucoup plus de choses que le plastique. Et on dit, en fait, de pas... évidemment, on dit de pas mettre ça sur des fils électriques. Je pense que c'est quand même assez évident. Et ça s'achète sur Internet, donc allez voir ça. Les Stainless Steel Zip Ties. Ensuite, des roues de rollerblade pour votre chaise de bureau. Tu sais, les chaises de bureau, des fois, bon, ça roule mal, ça fait du bruit. Ici, en studio, quand on se met à trop rouler, on l'entend. Si on est 5 dans le studio, c'est pas le fun. Donc, des roues de patin à roulier, tu sais comment c'est vraiment très, très doux, ça glisse à merveille. Donc, on peut maintenant remplacer les roues des chaises par ça. C'est capable de supporter jusqu'à 400 livres. Super silencieux, super doux sur tapis et sur tuiles, sur bois franc, peu importe, pour 35$. J'imagine l'ensemble de 4 ou 5 roues. Hey, c'est une bonne idée, j'avais jamais pensé à ça. C'est vraiment bon. Ça doit vraiment faire moins de marque en plus. Oui, c'est en emballage de 5 pour 22$ canadiens sur Amazon en ce moment. Vraiment bien. Continuons, je pense qu'on a le temps de finir les trois derniers dans le temps qui nous reste. C'est un faux savon, ça s'appelle le Infinite Stacking Soap Bar. Tu sais, quand t'as des restants de barres de savon, tu les mets des fois peut-être dans un, je sais pas, tu les empiles dans par-dessus l'autre. Dans le fond de la douche. Ouais, c'est ça. Et des fois, il y en a qui prennent un petit sac à fromage, je pense, pour faire passer le savon au travers, pour récupérer les fins de savon. Et bien maintenant, le Infinite Stacking Soap, c'est simple, vous empilez les fins de savon par-dessus le truc. Et c'est fait pour avoir l'air de la forme d'un savon. 19$ canadien. Je pourrais pas différencier ça d'un vrai savon. C'est cool, ouais, non, c'est ça. Bonne idée. Ensuite, je me rappelle avoir glissé un mot là-dessus, mais on a plus de détails sur le Ride Cup qui vous aide à vous débarrasser de votre habitude de prendre de la liqueur ou des boissons sucrées. Et boire plus d'eau, en fait. Donc, pour ceux qui sont accros au Coke Diet ou peu importe, le Ride Cup, c'est un verre de plastique sans BPA qui va tromper votre cerveau pour que votre cerveau pense que vous buvez quelque chose de sucré alors que vous buvez de l'eau sans caféine, sans calories. Donc, quand tu bois dans ce verre de 11-11, tu inspires par ton nez l'arôme fruité de ton choix. Et même un petit peu de saveur, en fait, dans le pourtour du verre. Ça utilise une technologie propriétaire qui permet donc des saveurs et des ingrédients calibre alimentaire aromatisés qui vont être ajoutés aux composantes du verre au moment de la manufacture. Et pendant le processus, l'arôme et la saveur font partie du verre lui-même sans changer les caractéristiques du plastique. C'est fou pareil, hein? Disponible en orange. Là, c'est des saveurs pour les couleurs. Orange, baie, pomme, raisin, pêche et cola. Donc, si vous voulez que ça continue de goûter le cola, la saveur est supposée durer plusieurs mois tant qu'on ne le met pas dans la vaisselle et qu'on le lave à la main. C'est sur theridecup.com. 30$ sur Amazon. Mais pour vrai, l'idée, c'est malade, ça. C'est vraiment bien. Fort. Et pour terminer, votre propre plaque de voiture personnalisée pour le cadeau parfait des amateurs de voitures. Chaque caractère de la pancarte est fabriqué en utilisant un caractère d'un différent état. Aux États-Unis pour que le produit ressemble à un collage de plaques. C'est pour 10$ canadiens environ, donc c'est vraiment une tranche de plaques parce qu'on a vraiment le nom de l'État en haut et l'adresse du site web des fois de l'État en bas. Donc on voit chaque lettre une tranche de l'État américain de votre choix. Ah, voilà. C'est cool. En fait, je dis que c'est de votre choix, je sais pas si tu peux la personnaliser avec chaque État, probablement. Bref, voilà, c'est tout pour ça. Ça devrait pas. On l'a. Les liens sont dans les notes de l'émission d'aujourd'hui, c'est-à-dire la 1138 sur assemblagerequis.com. Et on termine la chronique, mais en plus, on termine l'émission ici. Mm-hmm. Qu'on a eu du fun! Bon, merci Sébastien Eve Gartin. T'as pas eu de fun, hein? Oui, j'ai eu beaucoup de fun. Excusez. Confirme le fun. Oui, oui, il y en a eu beaucoup de fun. Sébastien Eve Gartin qu'on remercie avec son bulletin Gartin. On remercie David Ferron pour la chronique du Zone Campus. Gabriel Béhoud. Mm-hmm, pour la chronique de la Luitre. Pour la chronique de la Luitre. Merci à toi, Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu Plante. On se retrouve toujours demain entre 7h et 10h pour une autre émission d'Assemblage requis. Demain, maintenant que j'y pense, là, j'ai complètement oublié qui on a le jeudi. Permettez-moi d'aller voir rapidement comme ça. Demain, on a Véronique Mire. Oui. Qui va venir nous faire sa chronique de la ville encyclopédie, un retour pour elle. Stéphanie Paradis va être là pour parler de télé avec sa chronique Patate de sofa. Et on va faire une grosse pointe en dresse, bien sûr. Sur nos ondes, plus tard aujourd'hui, bien sûr, on va être de retour, toi et moi, à partir de midi pour les palmarès. C'est fou. VHS avec Xavier McLeish sera là en après-midi. Ensuite, je vais être là pour le Mathieu Plante Show en direct. 17h audiomatique, 18h écoutedonc.ca. Mais dans quelques minutes, ça va être compte à rebours. On se quitte là-dessus et on se retrouve demain à 7h. Bye bye! Bye, bon café! Oui. You're my daydream boy. You're my